Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le bilan de l'année 2019 du podcast Movies Nerd. Vous avez l'habitude maintenant, hein, on fait un podcast en deux parties. La première partie, on va vous parler des top 10 de l'année 2019 et puis plus tard, je vais vous faire le sommaire après de tout ce qu'il y aura. Je suis Axel, déjà votre hôte, comme d'habitude, voilà. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés mes co-hôtes habituels pour partager du coup tout ce qui nous a fait vibrer en bien comme en mal durant cette année 2019. En commençant du coup par Eddy. Salut. Salut. Comment tu vas? Très bien. Parfait. Impatient de retourner un peu dans cette année 2019, cinéma? Que cinéma par contre. Ouais. Le reste de l'année n'a pas été... cinématographiquement parlant, oui, ça va. Très bien. L'autre côte de ce podcast, c'est Morgane. Salut. Bonjour, excusez-moi, je suis en train de manger un gâteau. Ah, ok, parfait. Ouais, parfait. Donc les misophones seront très contents. Moi, je peux faire de l'ASMR, hein. Avec des bruits de bouche. Merci. Du coup, ça va? Ça va très bien. Ok, très bien. Tu es aussi impatient de retourner dans cette année 2019, cinématographiquement parlant? Alors, oui, parce qu'il y a des choses à dire. Et ouais. Pas que des mauvaises choses. On a tendance un petit peu chaque année à dire « c'était pas bien l'année prochaine, l'année suivante sera meilleure ». Mais il y a des choses à dire. Très bien. Et ben, du coup, je propose qu'on... déjà je vais faire le sommaire et après on fera un rapide bilan de l'année 2019 avant un de passer à nos top. Des règles. Oui, aussi des règles. Déroulé. Voilà, c'est ça. Donc le sommaire, on va commencer avec un rapide bilan de l'année 2019. Ensuite, on aura nos top 10 de cette année et je pense que ce sera la première partie de l'émission et la deuxième partie du coup vous l'aurez un peu plus tard ça concernera nos flops, les trois surprises, les trois déceptions, la BO de l'année et on finira avec nos attentes pour l'année à venir, donc l'année 2020 où on est actuellement. Voilà. Pour rappel, comment on va procéder pour nos tops et flops, en tout cas, quasiment pour la même chose, mais les règles sont chacun va énoncer du 10e au 4e sans interruption ou quasiment sans interruption. On pourra discuter, bien sûr, des films, mais ça ira un peu plus vite, puisque c'est chacun son tour de 4 à 10. Chacun fait de 4 à 10, voilà. Et on finira du coup avec la place du 3e jusqu'au 1er, où on fera chacun notre 3e, chacun notre 2e, chacun notre 1er, ainsi de suite, voilà. Et D'autant que pour certains films, c'est vrai que si on en a déjà parlé dans un autre podcast ou si c'est une critique, on vous invitera à aller la lire. Exactement, ouais. Plutôt qu'on redébatte dessus, parce que c'est ça, ça n'aurait pas l'intérêt. De toute façon, on vous redonnera notre avis, si on a eu la chance de le revoir ou pas, si on veut le revoir ou des choses comme ça, c'est plus un retour sur le film plutôt que de nouveau une critique du film, voilà. Je crois que j'ai tout dit, et du coup, je propose qu'on commence tout de suite avec notre rapide bilan de l'année 2019, et je voudrais commencer par Morgane. Qu'est-ce que tu as pensé du coup de cette année 2019, cinématographiquement parlant, pardon. Bonjour, c'est Morgane. Alors, c'est une année particulière en fait, parce qu'il y a eu des très bonnes choses, comme des très mauvaises choses. Alors, les choses très mauvaises, je les annonce tout de suite, pour moi, c'est les blockbusters. C'était clairement une année noire, une année faite de déceptions, mais pas que, c'est une année de mauvais films surtout. Sur les déceptions, même moi Avengers j'en attendais pas beaucoup mais j'ai quand même été un petit peu déçu quand même. Et après sur les mauvais films, mais je pourrais en citer à l'appel quoi. Pour moi Captain Marvel c'était limite regardable, enfin il y a eu pas que ça hein. Même le Roland Emmerich que j'attendais quand même un peu, c'était ni fait ni à faire. Enfin il y a eu plein de blockbusters qui avaient beaucoup de promesses et qui au final ont clairement rien apporté. Donc aucun gros film marquant pour moi pour le cinéma américain qui enchaîne les films sans saveur, les remakes, les reboots qui sont inutiles, sauf Disney, je trouve. Exception avec Dumbo, avec Aladdin, tout ça. C'est vraiment des films qui m'ont surpris parce que Dumbo, je l'attendais pas du tout. Sans parler aussi des suites complètement inégales en termes de qualité. Donc, c'est un cinéma américain qui s'est montré très décevant à ce niveau-là. En revanche, Je trouve que la force du ciné en outre-Atlantique, il s'est montré beaucoup plus intéressant et réussi lorsqu'il orgnait vers une démarche expérimentale. Je vais citer Midsommar, je vais citer Us, par exemple. C'est des nouveaux talents, hein, que ce soit Jordan Peele ou Ari Aster, des nouveaux talents qui émergent dans le cinéma indépendant. Donc je pense que ça peut rendre totalement optimiste pour la suite, parce qu'il faut tenter des choses, refaire des suites, des remakes, des reboots, au bout d'un moment ça prend plus, parce que je pense que les gens se lassent, ils ont envie de voir quelque chose de différent. Et en soi, ils se lassent tant que ça, hein. Oui, c'est sûr, il y a toujours des gens qui aiment ça, mais dans les retours... Les chiffres parlent, quoi, au box-office. Hein. Oui, parce qu'il y a la curiosité, mais dans les critiques, effectivement, je trouve que c'est quand même un peu plus mitigé. Mais je pense qu'il faut tenter des choses, parce que même Us, par exemple, je sais qu'il n'a pas fait l'unanimité, c'est un film qui fait débat. Il ne peut pas, de toute façon. Non, c'est sûr, mais il fait débat, mais au moins, il existe, même si je regrette qu'il ait été boudé aux Golden Globes et aux Oscars. Enfin, après, c'est vrai que comme Midsommar, c'est plutôt des films d'auteur. Us, c'est pas du tout accessible, c'est pas si populaire que ça. Mais il faut tenter des choses, et c'est des choses qui sont, je trouve, assez récompensées, finalement. Enfin, c'est des films qui sont très estimés. Voilà. Alors après, il y a des exceptions, hein, comme j'ai parlé de Dumbo, d'Aladin, il y a aussi À couteau tiré de Rian Johnson. Mais lui, pareil, je le prends vraiment comme un auteur un peu indépendant, parce qu'il se bat un petit peu contre la grosse machine hollywoodienne et il fait un petit peu ce qu'il veut, quoi. Il est hors règle, hors consensus. Donc, du coup, à ce niveau-là, voilà, je trouve que le cinéma américain, je suis optimiste pour la suite, mais au niveau des blockbusters, j'ai un petit peu peur. Par contre, on va parler du cinéma français. Pour moi, ça a été une très, très grande année. On a eu un début d'année incroyable avec L'heure de la sortie, avec Ennemond, avec Celle que vous croyez, des genres totalement différents. L'heure de la sortie, c'est du drame indépendant qui était très particulier. Ennemond, c'était du film didactique, très populaire, une espèce de comédie qui marchait du tonnerre. Celle que vous croyez, on était dans un drame magnifiquement porté par Juliette Binoche. Bon, les comédies commerciales attendues qui ne marchent pas toutes, j'ai l'impression qu'il y a une lassitude, à part quelques exceptions comme Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Mais les grosses comédies marchent de moins en moins. Joyeuse retraite a marché, mais les films avec Dubosc, par exemple, All Inclusive, a fait un flop. Toute ressemblance a fait un flop. Après, je pense que la sortie qu'il a faite sur les Gilets jaunes n'a pas joué en sa faveur et que du coup, il a été un peu boycotté. Mais la comédie française, j'ai l'impression qu'elle en perd un petit peu. Enfin, elle en perd. Elle perd un peu de sympathie du public. J'ai l'impression que le public se lasse et ils aiment aller voir autre chose. Donc, ça a été une année glorieuse quand même grâce à d'autres films comme le film de Céline Sciamma, Portrait de la jeune fille en feu, qui nous vaut quand même une renommée mondiale, et aussi Les Misérables. Je suis pas très fan du film, mais force est de constater que ce film-là a un impact mondial. On est aux Oscars grâce à ce film quand même. Grande surprise aussi pour Nicolas Bedos. Avec son film, voilà. Donc le cinéma français, quand il ne fait pas de la comédie, un peu comme le cinéma américain finalement, quand il ne fait pas des trucs attendus et qu'il ne reste pas dans sa zone de confort, il fait des choses absolument formidables. Et dernière petite chose, le festival de Cannes. Alors je sais que Cannes, ça a un peu une réputation de festival un peu élitiste qui ne vise qu'une élite de cinéphiles et qui snob le grand public. Et là, pour une fois, c'est pas parce que j'aime le film, mais pour moi, je suis très objectif. Parasite est un grand film populaire. Et je l'ai vu quand je suis allé le voir en salle. Et c'est pas pour rien que le film en France, il en est à 1 700 000 entrées. C'est du jamais vu, enfin du rarement vu pour une Palme d'Or. C'est un succès mondial. Il a été aux Golden Globes, meilleur film étranger. Il est aux Oscars dans la catégorie meilleur film, meilleur réalisateur. Donc la barrière de la langue est passée. Donc là, le Festival de Cannes, pas que sur celui-là d'ailleurs, mais aussi en récompensant ce film-là, à récompenser un film populaire, à intéresser les gens. C'est-à-dire qu'avant, on disait Palme d'Or, les gens, ils étaient là, ouais, non, Palme d'Or, on sait tous qu'est-ce que ça va être, ça va encore être un film intello chiant. Bah non, là, on a vraiment du cinéma accessible, donc il y a quelque chose qui se décoince aussi, et du coup, ça fait plaisir, quoi. Ça rend optimiste aussi à ce niveau-là. Ce Festival de Cannes, je pense qu'il y avait besoin de revoir un petit peu leur récompense, de récompenser des trucs plus risqués, des trucs plus neufs. Et là, c'est ce qu'il a fait. Donc, en cela, j'ai hâte de voir, même si je ne suis pas fan du président qui a été annoncé, comment il s'appelle l'autre là, le réalisateur de Black Panther. Ah, Spike Lee, voilà. J'aime pas le personnage, je l'aime pas. Donc, voilà. Mais donc, j'espère qu'ils récompenseront des films un peu plus risqués, comme Parasite, parce qu'en soi, c'était pas un risque monumental, mais fallait le faire. Parce que c'était pas le film cannois par excellence, tel qu'on peut l'entendre. C'était un film très grand public. Et les gens l'aiment, ce film, d'ailleurs. Hein. En salle, les gens étaient estomaqués, séduits, tout le monde en parlait, ça a été un phénomène, voilà. Mm. Après, voilà, je suis... Donc, en résumé, c'est une bonne année. Il y a eu des choses décevantes, très mauvaises, qui étaient un peu attendues, finalement. Mais j'ai été surpris parce qu'il y a des nouveaux noms, des nouveaux talents, des nouveaux trucs, enfin, qui... Des réalisateurs que j'espère revoir par la suite et qui, je pense, ont apporté quelque chose en cette année un peu inégale. Mais bon, comme chaque année, j'ai l'impression qu'on dit toujours la même chose, quoi. Oui, ouais. Ok, très bien. Eddy, quant à toi ? Moi, pour le coup, ça a été une année beaucoup plus en demi-teinte. Ça n'a pas été une année exceptionnelle, je trouve, comparé à l'année dernière ou les années d'avant. J'ai pas eu de... Il y a des films que j'ai beaucoup aimés, mais c'est pas des longs métrages qui m'ont marqué au point d'entrer, par exemple, dans mon top 10 ultime ou des films qu'il faut absolument voir. Ou voilà, c'est des bons films que j'apprécie de revoir, mais bon. Après, j'ai pas vu beaucoup de films français cette année parce que déjà j'ai beaucoup plus de difficultés à voir des films depuis quelques temps. J'ai pas... Bon, déjà, moi, il y a toujours ce problème d'accès au cinéma qui est compliqué dans la région où je suis. Et c'est surtout que les voir autrement, ça est devenu compliqué aussi. Et j'ai pas les moyens d'y passer tout mon SMIC. Donc voilà. Donc, c'est assez... c'est délicat, en fait. C'était délicat de se faire faire une cinéphilie en 2019. Bon, après, voilà, hein, j'ai réussi à faire un top 10. J'ai eu des déceptions aussi, donc il y a un petit peu de tout. Mais c'est vrai que j'ai pas réussi à faire un top 10 aussi passionné que j'ai pu le faire d'autres années. Oui, ouais. Voilà. Donc, bon, on va voir ce que ça donne. Mais bon, après, ce qui est très drôle, c'est que dans mon flop, j'ai un film français. J'en ai deux, même. Et dans mes tops, j'ai beaucoup plus de films américains, donc on est complètement à l'opposé avec Morgane pour le coup. Mais bon, on va voir. Bah oui, nous verrons cela. Après, je pense qu'il y a des films français que quand tu les verras en rattrapage, ils vont vraiment te plaire. Le Bedos, il va te plaire, et le film de Céline Sciamma. Mais après, j'ai toujours cette déception de me dire, bah oui, je vais les voir après, et c'est vrai que c'est des films dont je aurais pu avoir envie de parler en fin d'année, mais le problème, c'est que faut pouvoir les trouver, quoi. Ah, mais je suis sûr et certain, et j'en mets ma main à couper, et Dieu sait que j'y tiens, enfin, surtout une des deux, que le film de Sciamma, il aurait eu ta place, sa place dans ton top, c'est sûr et certain. À ce film-là, il va te plaire. Mais parce que c'est comme Parasite, j'en entends parler depuis des mois, et je l'ai pas vu, donc... Il t'intéresse d'ailleurs parce que... Pas franchement, mais du coup, c'est plus de la curiosité, coréen, en fait. C'est pas ton... Ça dépend, parce que j'ai bien aimé... Il y en a que j'aime beaucoup. Hein. Mais t'avais pas vu Mother, justement, de... Non, j'avais vu... Ouais. Bah, je crois que c'est pas un film coréen, je sais plus. J'avais vu The Stranger, j'avais adoré. Oui, c'est sud-coréen. Oui, oh, bah, oui, Parasite, ça va passer. Il est très bien aussi. Enfin, très bien. Mais après, je prenais ça pour un truc hyper subversif, en fait, Parasite, et en fait, apparemment, pas du tout. Ouais, non, vite fait, quoi. C'est pas non plus... c'est pas le film le plus subversif. Il y a beaucoup pire... Enfin, il y a beaucoup plus pire. Il est étonnant, plus que subversif. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est si ça. Même quand tu vois la bande-annonce, tu sais pas du tout vers quoi tu t'embarques, et le film joue là-dessus. Et c'est ça qui est très malin. Et justement, Parasite, c'est un des rares films, c'est même le seul film... qui en allant le voir, je ne savais pas ce que j'allais voir. Alors qu'un film qui a fait beaucoup de bruit pour pas grand chose pour moi, et je dis pas ça pour casser le truc, mais Joker, on voit la bande annonce, on sait très bien vers quoi on s'embarque. J'avais deviné la fin avant même de voir le film. Oui, bien sûr, mais du coup, très frustré quand même, parce que Joker et Parasite se rejoignent énormément sur les sujets qu'ils abordent. Et y en a un qui le fait de manière beaucoup plus intelligente et beaucoup moins dangereuse, surtout. Et on en parlera de Joker après. Oui. On en reparlera. Du coup, pour moi, l'année 2019, déjà, c'est... Enfin, je trouve que c'est plutôt une bonne année cinéma, clairement. Si je vois la tendance générale, j'ai plus de bons films que de mauvais films que j'ai vus, en tout cas. Alors, c'est sûr que, comme tu as dit, Morgane, il y en a des mauvais. Hein. Ça, c'est... On peut pas y ça, échapper. Ça, c'est clair. Hein. Ouais. Mais voilà, moi j'aime bien garder plus une idée positive de la chose, et 2019 c'était pour le cinéma, c'était une bonne année. Alors, malheureusement, le problème que j'ai, c'est que j'ai pas vu tous les films que je voulais voir avant de faire ce top. Donc, c'est. Voilà, par exemple, j'ai pas vu Midsommar, j'ai pas vu Portrait de la jeune fille en feu. La favorite aussi, je voulais voir parce que j'aime beaucoup le cinéma de Yorgos Lanthimos. Du coup, j'ai eu envie de le voir maintenant parce que je regarde la saison 3 de The Crown et. Et Olivia Colman joue la reine en fait dans cette saison 3. Et mais du coup, elle est tellement captivante en fait que je me suis dit, il faudrait peut-être que j'essaye de le voir quand même. Oui, mais, et ça va te plaire aussi. Même si t'as du mal avec Yorgos Lanthimos. Ah bah j'ai détesté ces deux, enfin ces deux précédents. Ah oui, non mais The Lobster et Mise à mort du cerf sacré, j'ai absolument détesté aussi. Donc ça se comprend. Ouais. Mais honnêtement, la parasite, n'importe quoi, la favorite, pardon. C'est non, différent, c'est sûr aussi, je va pense, te plaire. Ouais, c'est différent. Moi, j'ai pas aimé, justement, parce que j'ai adoré Mise à mort du cerf sacré. Ouais. Mais clairement, si t'aimes Olivia Colman, tu vas être ébloui. Ouais. J'ai Ad Astra ou Douleur et Gloire. Je l'ai pas vu. Il y a le Scorsese que j'ai toujours pas vu. Et je suis vraiment dégoûté parce que j'aurais vraiment voulu le voir avant. Scorsese, c'est qu'il faut le caler, quoi. Il est super long. C'est... Hein. Le problème, c'est qu'il faut le caler et que j'ai eu un déménagement entre temps. Donc, entre le temps de sa sortie et maintenant, du coup, c'était un peu compliqué. Voilà. Et le Terrence Malick aussi, Une vie cachée, que je voulais vraiment voir. Il faut le caler aussi, celui-là. Voilà. Il y a plein de petits de films gros ou petits que je voulais vraiment regarder, donc c'est un top qui sûrement évoluera selon mes visionnages de films qui sont passés en 2019 et que je n'ai pas eu l'occasion de voir. Au niveau du, moi je voulais parler parce que Morgan a fait un très bon résumé du cinéma américain, du cinéma français. Il m'en manque une partie, j'ai oublié de parler d'un truc, mais tu vas peut-être le faire. Moi je voulais parler du cinéma d'animation. Moi aussi, j'allais dire que c'était une année vraiment, pas extra quoi. Malgré Toy Story 4 que j'ai trouvé bon sans plus. Pour le coup, moi je suis pas tout d'accord. Moi pour le coup, je suis pas d'accord. Oui, mais j'ai pas vu Les Fondamentaux, comment il s'appelle, J'ai perdu mon corps, je l'ai pas vu. Il y en a plein que j'ai pas vu Monsieur Link non plus. Voilà, c'est ça en fait. Moi, il y a les gros films que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Toy Story 4, j'ai beaucoup aimé Dragon 3. T'as bien aimé La Reine des Neiges 2. J'ai beaucoup aimé La Reine des Neiges 2. Je veux revoir parce que j'ai trop d'avis positifs autour de moi. Je me dis, c'est pas possible, je suis passé à côté de. j'ai pas capté le truc, faut absolument que je le revoie en fait. Ouais, et du coup, mais il y a aussi plein de plus petits films comme Monsieur Link par exemple. Il y avait Ralph 2.0 aussi. C'est pas un petit film ça. J'ai perdu mon corps qui est quand même c'est un film quand même assez, pour moi ça me paraissait un film assez obscur et qui n'intéresserait pas beaucoup de monde, et finalement il se retrouve quand même 15e du top des meilleurs films 2019 sur Sens Critique. Donc il y a quand même des bonnes choses au niveau du cinéma d'animation, que ce soit Alita, je sais pas si tu peux vraiment le compter comme du cinéma d'animation. Non, même si... moi non. Non, Alita non, par contre Le Roi Lion oui. Oui, voilà, Le Roi Lion. Pour moi, Le Roi Lion, c'est un film d'animation, avant d'être une version live, en fait. Oui, oui, c'est sûr, ouais. Voilà, moi, je trouve que le cinéma d'animation, il y a eu des merdes, et on en parle... Enfin, moi, j'en parlerai. Voilà. Il y a eu aussi de très bons films. Et il y a aussi le cinéma d'animation japonais. J'ai pas eu l'occasion d'aller voir Lise et l'Oiseau Bleu, mais il me tentait beaucoup. S'il y a un truc qu'il faut... Les Enfants de la Mer aussi. Il y a un truc que je dois avouer, que j'ai fait il n'y a pas longtemps, que je n'ai pas fait il n'y a pas longtemps et que ce n'est pas bien du tout. Il y avait Le Voyage de Chihiro qui est passé à la télé. Ouais. Et j'aurais pu le voir. Hein. Ouais. J'ai préféré rester sur mon PC et l'avoir en fond. Je ne l'ai pas regardé. Et de tout ce que j'ai entendu, ça avait l'air super bien. Et je me suis pas mis devant. Et je me suis dit, là, t'es vraiment qu'un gros con parce que ça fait partie de ces films que t'avais la possibilité de le voir, tu l'as pas fait. Et ben maintenant, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Je peux être encore plus gros con que toi. Moi, je l'ai vu et je n'aime pas ce film. Oui. C'est pas que j'aime pas, ça me touche pas. Mais Miyazaki, je pense que. C'est pas le cinéma d'animation japonais qui me touche, je suis plutôt Takahata. Ouais, mais c'est tellement beau visuellement. Ah oui, c'est beau, mais bon. Voilà. J'aurais regardé un peu en scred, mais. Mais non, mais je préférais jouer à Jurassic World Evolution, comme faible que je suis. Pour la 500e heure. C'est ça. Voilà. Non, en fait, j'étais trop. Enfin, c'était le 25 au soir. Ouais. Avant Noël, le dimanche avant Noël. Et, ouais. Et j'étais trop. En fait, j'étais pas. Je savais que j'arrivais pas à me concentrer devant un film. J'avais pas la. Enfin, voilà, il y a des conditions hein, pour regarder un film c'est quand même. Sûr, ouais. Et je savais que non, et voilà, je le regrette, mais... Bah c'est bien justement que tu savais que t'allais pas être... Bah oui, mais je me dis c'est con, parce que c'est devenu de plus en plus compliqué de regarder des films, légalement ou illégalement. Non, illégalement, c'est simple. Ouais, bon, d'accord. On en parlera en off. Mais du coup, c'est là que je me suis dit, bon, bah... Voilà. Ouais, non, mais c'est sûr. Voilà, et je voulais finir juste, j'ai pas cité un film, Shaun le Mouton, que j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà, en film d'animation, un peu plus. C'est pas grand public, mais c'est pas non plus confidentiel. Et voilà. Donc pour moi, le cinéma d'animation a prouvé qu'il pouvait faire des choses très différentes, très variées et qui fonctionnaient. Voilà. Mais a aussi produit des grosses merdes. Voilà. Donc, on a fini avec ce rapide bilan du coup de l'année 2019 et on va passer tout de suite à nos top 10. C'est parti. On est à la première rubrique de ce podcast qui est du coup nos top 10 de l'année 2019. On va commencer avec Eddy qui va nous donner de son numéro 10 jusqu'au numéro 4 d'affilée. C'est à toi. Donc le numéro 10, bon, au départ je le mettais vraiment parce qu'il fallait que je boucle un top 10. Et en fait à y repenser, je me dis mais non, j'ai vraiment passé un bon moment et... ben voilà, ça m'a vraiment plu. C'est Avengers Endgame. Je ne pensais pas mettre un des derniers Avengers Morgan dans un top. Morgan va détester. Je ne pensais pas parce que Infinity War m'avait, c'est pas que ça m'avait pas plu, mais bon, c'est la grosse machine Marvel et tous les rouages sont bien apparents et là, là, ça a marché en fait. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Après, voilà, je l'ai pas revu depuis, mais c'est un film qui m'a bien plu et qui, je trouve, conclut assez bien 10 ans d'univers partagé. Ouais. Enfin, quasi... Non, presque 10 ans. Ben, 2008. Hein, donc, oui, c'est vrai. Oui, il ne faut pas se baser à 2012 avec Avengers, il faut se baser avec Iron Man. 2008, ouais. Donc, oui, j'ai plutôt bien aimé quand même. Et du coup, je me dis que finalement, il a peut-être quand même sa place ici, en 10e position. Pas plus haut, je ne l'aurais pas mis plus haut, quand même. Parce que ça reste très sommaire, mais je n'ai pas passé du tout un mauvais moment. J'ai quand même bien ressenti le côté emblématique du truc. Donc voilà. Okay, après, le 9e, et là par contre, ça peut surprendre, je pense, c'est Dragon 3. Le monde caché. J'adore Dragon. Je me rappelle qu'en 2014, on a vu un gros débat parce que pour moi, c'était le meilleur film d'animation, Dragon 2. Je l'avais mis assez haut dans mon top. Ouais. Et Dragon 3, je l'attendais. On l'attendait tous, je pense, quand même, depuis un petit moment parce que Dragon, ça faisait partie de ces trilogies d'animation hors Disney et hors cinéma d'animation asiatique qui marquaient quand même. Qui paraissait parfaite déjà. Enfin, je veux dire, pour moi, le 1 et le 2 sont des films quasiment Ils sont très complémentaires l'un de l'autre. Voilà, c'est ça. Et c'est surtout qu'en termes d'univers, en fait, ils ont toujours réussi à s'étendre tout en restant cohérents et en restant intéressants, en plus, à suivre. Ce qui n'est pas une mince affaire. C'est pas juste de la suite pour de la suite, en fait. C'est de la suite faite intelligemment. Et là, en fait, le troisième, Alors, je trouve que c'est une belle conclusion, que ça fonctionne bien, mais après, c'est vrai que j'ai pas retrouvé le charme que pouvaient avoir les deux autres, même si j'adore les personnages, que j'aime les directions que ça prend. Mais par exemple, c'est vrai que j'ai été un petit peu déçu par le méchant, qui est moins emblématique. Mais du coup, voilà. Donc c'est pour ça que je le mets que 9e. C'est un petit peu décevant de le mettre que 9e. Même pour moi, ça me fait un peu mal au cœur de le mettre que 9e. Mais c'est vrai que quand je repense aux films d'animation que j'ai vus, bah finalement. T'en as préféré d'autres. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'en 8e place, j'ai mis Toy Story 4. Et là, pour le coup, ça a été une surprise parce que Toy Story 4, je l'attendais. Disons que, un peu comme tout le monde, pour moi, il n'y avait pas besoin d'un quatrième parce que le 3 était la conclusion parfaite. Quand ils ont annoncé le quatrième, du coup, j'étais pas plus rassuré que ça. Quand il y a eu les premières bonnes annonces, je me suis dit, bon, on verra. Et au final, en sortant de la salle, j'étais un petit peu interloqué. Je me suis dit, tiens. C'est pas mal, mais ça aurait pu être mieux. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que c'était quand même un beau film sur la parentalité, mais alors à travers les yeux d'un jouet. Et pour le coup, je trouve ça très fort. Et en fait, non. Enfin, je pense vraiment que c'est un excellent film d'animation. C'est pour ça que je le mets 8e. Mais pour le coup, je trouve que c'est un très beau film d'animation. C'est peut-être le Toy Story que j'aime le moins. Ouais. Bon, après, tout est relatif parce que j'adore vraiment Toy Story. Ouais, j'aime trop les personnages pour. Mais de toute façon, on voit pas assez Rex dans celui-là. Donc, ça peut pas être le meilleur. C'est sûr que pour faire des classements, il faut bien trouver des moyens. Moi, personnellement, j'arrive pas à mettre un Toy Story au-dessus d'un autre. J'arrive pas. Moi, je pense quand même qu'objectivement, le 3 est au-dessus des autres. Le 3, je le mettrais un tout petit peu au-dessus des autres. Je pense que le 3 est au-dessus des autres, objectivement, mais dans mon cœur, c'est le 2. Le 2 que j'aime énormément et qui fait partie de ces films qui m'accompagnent au quotidien, au même titre que plein d'autres. Mais celui-là, voilà quoi. Moi, c'est vraiment. C'est un de mes films de chevet que je peux voir, revoir et revoir. Ouais. Et je suis. Juste la scène d'intro, moi, elle me. Ah oui. Je l'adore tellement parce qu'elle est magnifique. Enfin, mais même quoi, même des trucs bêtes, mais tout les Rex, si on s'accrochait à des ballons, on volerait comme des oiseaux. Enfin, voilà. Moi, j'adore, c'est trop beau. C'est trop bien. Et c'est un peu mon enfance et tout ça. Bah oui, c'est sûr. J'ai un affect très particulier avec le 2, mais c'est vrai que voilà, le 4, c'est très beau. Et puis en plus, voilà, c'est Pixar, donc évidemment, visuellement, on a franchi un cap, encore une fois. Plein la gueule, voilà. Voilà. Je pense notamment à toute cette scène au début où on apprend comment la bergère finalement... on comprend pourquoi la bergère n'est pas dans le 3. C'est une scène sous la pluie et il y a Woody et la bergère qui sont cachés sous une voiture. Et visuellement, c'est dingue, quoi. Y a une qualité dans l'animation qui est assez, assez folle. Donc, je le mets que 8e, mais c'est un excellent film d'animation. En 7e, j'ai mis Dumbo. Parce que j'attendais Dumbo, j'attends de manière générale, j'attends quand même souvent les films de Tim Burton parce que c'est un réalisateur très important pour moi qui a totalement participé à mon amour du cinéma. Je reconnais que il a baissé un peu ces dernières années, mais il remonte de temps, mais qu'il sait rebondir aussi. Et pour moi, il a jamais vraiment. Il n'est jamais vraiment disparu, comme beaucoup se plaisent à le dire. Je pense que Tim Burton a toujours eu quand même des soubresauts absolument géniaux. Et j'avais déjà bien aimé, moi, Miss Peregrine, malgré beaucoup d'incohérences, mais j'avais bien aimé l'univers et les personnages. C'était une des réussites du film, d'ailleurs. Oui, voilà. Et Eva Green hein, aussi. Et j'avais beaucoup aimé aussi Big Fish, qui est un film de... Big Eyes, de... Mais j'aime beaucoup Big Fish aussi. Oui, Big Fish, oui. Mais, c'est un film que j'adore, Big Fish. Mais Big Eyes, j'avais beaucoup aimé. C'est un film de commande, mais c'est vraiment... C'est bien fait et c'est un très joli film. D'ailleurs, très joli en Blu-ray, si ça vous intéresse. Cette période Big Fish, Frankenweenie, moi, j'aime beaucoup. Frankenweenie, ouais. Ah ouais. Frankenweenie, Charlie la chocolaterie, je sais que Morgane là-dessus, on est parfaitement d'accord. On est très très fan de ce film-là et qu'on On en a la même vision, et d'accord, d'ailleurs, je pense qu'on est un peu les seuls au monde là-dessus. Moi, quand il y en a qui ont lu ma critique, j'en sais rien. Hein, mais ah oui, mais même mon copain qui adore le film, il me fait, où est-ce que t'as vu ça, toi? Mais bah, oui, c'est pas net de penser ça. Voilà. Donc, regardez Charlie et la chocolaterie et vous verrez un magnifique film sur la pédophilie. je crois que magnifique et les films sur la pédophilie n'ont jamais été mis ensemble. Ouais, pas magnifique, c'est peut-être pas le bon adjectif, mais il y a des... C'est oui. un très risqué, finalement. Ouais. Faut le faire. À travers une histoire comme ça, d'amener un truc aussi noir, c'est... J'ai vraiment, alors je vais dans le sens d'Eddie, je fais une parenthèse, j'ai vraiment du mal à considérer ça comme... Enfin, en fait, il y a vraiment deux visions. Les enfants vont y voir ce qu'ils ont envie de voir, et nous, les adultes, on peut être là. Ah bah c'est vraiment gros... l'archétype du film à deux niveaux de lecture selon l'âge, en fait. Ouais, c'est le niveau adulte est quand même assez sombre, et là, c'est vraiment du Burton un peu torturé, quand même. Ouais, mais c'est presque aussi noir qu'un Sleepy Hollow, en fait. Dans l'âme. Donc, voilà. Bon, on n'est pas là pour parler de Charlie à chocolaterie, mais si jamais... une bonne âme, vous se décidez à vouloir faire un podcast sur Tim Burton, il n'y a pas de problème du tout. Je le dis très fort de mon micro, c'est souhaitable. Écoute, franchement, pourquoi pas. On pourrait tenter, parce que moi, il y a plein de films que j'ai pas vus, justement. Ah, moi, j'ai comme Edouard et aux mains d'argent, ou Charlie la chocolaterie, ça fait très... Enfin, je l'ai vu en DVD quand j'étais petit et je m'en souviens pas. Donc, ouais, il y a pas mal de films que j'ai pas vus. Dont je me souviens pas, que j'aimerais bien revoir. Donc, et voilà. Dumbo, bah, du coup, on verra. Du coup, je trouve que pour le coup, c'est la meilleure version live d'un Disney possible, en fait. Dumbo, oui, c'est vrai. Le film d'animation est très beau. Ouais. C'est pas mon film d'animation Disney préféré, hein, mais c'est un beau film d'animation. Bon, l'éléphant était trop mignon déjà dans le film d'animation. Dans le film, c'est. Voilà. Et mais ça pouvait être une crainte parce que... Oui, il est tout en CGI, hein, bien sûr. Ouais, c'est ça, ouais. Mais la qualité de Dumbo, et ça, on en avait parlé dans le podcast, et je pense qu'on est tous les trois d'accord là-dessus, c'est que les personnages existent, vraiment tous. Oh, que oui. Et c'est ce qui fait vraiment sa force. Et puis au-delà de ça, c'est vraiment un beau film sur plein de thématiques différentes. Et ils ont vraiment su, en fait, saisir tout ce que devait être un film qui parle du cirque, de la condition animale aussi. Et c'est vrai qu'on a vraiment un beau discours un sur le couillu aussi qui critique Disney. Et c'est ça, c'est un film sur l'anticapitalisme aussi, ce qui est complètement pour le coup aux antipodes de ce que fait Disney depuis longtemps et surtout maintenant. Bon, il l'avait fait sur Tron, hein, mais c'est tout. Ouais, mais bon, Tron n'avait pas marché. Oui. Donc voilà, donc Dumbo, je le mets 7e. C'est un très très beau film que j'ai vraiment beaucoup aimé. En 6e, on passe à un film plus intime. C'est Grâce à Dieu de François Ozon. On parlait de pédophile. Voilà, c'est comme quoi tout est lié. C'est vrai, j'ai pas pensé à la transition. Ouais. Alors ça aurait une autre gueule, hein, par Tim Burton, je pense. Alors pour moi, en fait, c'est un film d'utilité publique. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, par Tim Burton, oui, il y aura des scènes de viol, mais tout en comédie musicale. Ouais. Voilà. Non, alors c'est un film assez glaçant. Je sais pas si vous l'avez vu. Moi, je l'ai pas vu. J'ai pas vu. Moi, je l'ai vu. Ouais, j'ai adoré. Alors c'est vrai que c'est un film qui peut être un peu malaisant. Hein. Je pense, c'est pas à mettre entre toutes les mains parce que c'est assez assez. Y a pas c'est pas forcément explicite, hein, dans l'image, mais psychologiquement parlant, c'est souvent plus marquant quand c'est pas explicite. Ah bah c'est pire, je trouve. Oui, la scène du flashback au camping où on voit le prêtre entrer dans la tente. Mon sang s'est glacé à ce moment-là parce que j'avais pas envie qu'on montre vraiment parce que fallait pas. Mais François Ozon, et c'est ça le truc, c'est que François Ozon est capable en plus. C'est quelqu'un qui a pas froid aux yeux. Ouais. On savait qu'il était capable d'aller loin. Heureusement, il a traité le truc avec pudeur, mais tout en restant percutant. Et je pense qu'il a vraiment fait de la meilleure manière possible. Et d'ailleurs, l'affaire est toujours en cours, mais elle a été repoussée par rapport aux grèves. Mais normalement, c'est en cours. Hein. Mais bon, on sait tous que voilà, on va pas parler politique, mais on sait tous qui va y échapper. Oui, effectivement. La condamnation devrait tomber. Enfin, le cardinal et le, je sais plus comment s'appelle le curé, mais le prêtre. Mais là, actuellement, ça passe en justice, quoi. Ouais. Après toutes ces années. Enfin, dans ce film-là, mais c'est pour moi le retour de Balasco, quoi. Balasco, oui, oui. Enfin. Mais, mais moi, je n'avais quasiment aucune information sur le film et je savais qu'il y avait Melville Poupeau que j'aime beaucoup, mais je savais pas qu'elle jouait dedans. Et quand j'ai vu qu'elle jouait la mère d'une des victimes, et si, il y avait Denis Ménochet aussi, qui est très bon d'ailleurs. Quand j'ai vu qu'elle jouait la mère d'une des victimes, je m'y attendais tellement pas et j'étais tellement content de voir Josiane Balasco aussi délicate et aussi il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la douceur en fait dans son jeu et elle m'a beaucoup, enfin c'est un personnage vraiment secondaire hein, dans le film, mais elle m'a beaucoup émue et en fait c'est le fait qu'elle soit en retrait qui la rend vraiment captivante aussi. Donc oui, c'est un film qui a, il y a des bonnes surprises comme ça un petit peu, mais c'est surtout que il traite bien son sujet et c'est assez percutant. Et Axel, je pense que t'aimeras beaucoup d'ailleurs. Oui, non, mais je veux le voir. Hein. Ça fait partie des films que j'ai pas cité avant, mais que je veux absolument voir aussi. Voilà. Et comme je le disais, comme l'heure de la sortie ou des choses comme ça. Mm. Et comme je le disais, je pense que c'est vraiment un film important pour faire bouger les choses aussi. Mm. Et au final, c'est un film qui tristement nous rappelle un peu que la Révolution nous a apporté que l'État soit séparé de l'Église et que du coup l'Église ait moins de privilèges et tout. Et en fait, l'Église a des privilèges autrement qui lui permet d'outrepasser certains droits. Donc c'est important aussi qu'il y ait des films qui, comme ça, mettent les pendules à l'heure. Et c'est surtout que c'est le film est sorti pendant une polémique. Il a failli ne pas sortir. Et en plus, le film est assez ouvert. Il change pas vraiment les noms des personnages. Enfin, c'est très... on est vraiment sur quelque chose... quasiment d'informatif, quoi. Ah oui. C'est presque un film documentaire. C'est une pure fiction. Enfin, c'est fait comme un... C'est vraiment traité comme un film. Ça n'a rien du documentaire, mais c'est très informatif, ouais. Ok, très bien. En cinquième position, j'ai mis Le Roi, ouais. Qui est un film Netflix. Mmh. Pour tout ce dont j'ai pu parler dans le podcast qu'on novembre a consacré, dans lequel on a parlé de ce film, enfin, j'ai parlé de ce film là j'ai fait une critique également. Oui. Alors c'est pas parce qu'il y a Timothée Chalamet, même si c'est un acteur que j'aime bien, mais c'est surtout parce que je trouve que c'est vraiment un film qui parle très bien en fait de la royauté et du pouvoir, et le personnage en fait est vraiment intéressant dans la mesure où ça se passe fin Moyen-Âge, mais c'est quelqu'un de très très moderne. C'est une adaptation de Shakespeare, c'est pas, faut pas le prendre exactement comme quelque chose de purement historique, mais c'est un excellent film sur cette époque. La reconstitution est belle et elle fonctionne bien, et qui remet un peu aussi les pendules à l'heure sur on a cet argument souvent, on lit les gens sur Facebook, ouais, on n'est plus au Moyen-Âge, hein, par rapport à des trucs genre la chasse à cour ou les anti-mariages pour tous et tout ça. Et en fait, le Moyen-Âge est une période beaucoup plus ouverte, beaucoup plus de gauche qu'on pourrait le croire, sur certains aspects. Oui. Oui, pas tous, mais... évidemment pas tous, hein, bien sûr, ouais. mais en termes de mœurs et tout ça. C'est parce que l'Église en fait a mis son nez dedans après que ça a un peu changé, mais du coup ça dépeint aussi assez bien l'époque telle qu'elle pouvait l'être, et telle qu'on l'apprend par des écrits beaucoup plus obscurs, ceux qui sont pas dans les livres d'histoire, encore une fois, moi j'aime bien les films historiques comme ça qui sortent un peu des carcans et qui cassent un peu justement les carcans de l'imaginaire collectif. Donc c'est pour ça que je l'ai mis cinquième, parce que c'est très bien fait, c'est bien mis en scène, c'est bien joué, et c'est assez fort dans ce que ça raconte. Ouais. En quatrième, j'ai mis Ralph 2.0, parce que je trouve que c'est une excellente suite, ouais. Que les deux personnages sont toujours aussi attachants et que l'histoire évolue intelligemment. On n'est pas sur du Disney où on doit sauver la princesse, machin. Non, ici, on est dans une œuvre qui est beaucoup plus ouverte que ça. Et c'est surtout c'est un beau traitement de l'amitié. De l'amitié, voilà. C'est très bien fait, c'est très drôle. Ouais. Même Internet, on tombe pas vraiment dans les clichés. Moi, c'est le truc dont j'avais le plus peur, et c'est clair. Ils ont vraiment bien traité le sujet, quoi. Ouais. Et même la partie princesse où on pouvait, enfin la scène princesse qui avait fait partie de la bande-annonce, il semblait un peu trop. Aurait eu un impact encore plus énorme si on l'avait pas vu dans une bande-annonce. Oui, c'est ça. Ouais, mais heureusement, elle se cantonne pas qu'à cette scène-là et c'est ça, tant mieux. Et vraiment, c'est très drôle quoi. C'est très drôle et c'est encore une fois c'est Disney qui fait preuve de beaucoup d'autodérision. Ouais. Et moi, Disney, qu'on voit vraiment comme une firme. À tes souhaits, Morgan, qu'on voit vraiment comme une firme conservatrice, très proche, qui contrôle beaucoup son image, mais qui d'un autre côté peut être capable de te sortir des trucs comme Ralph 2.0 ou comme Dumbo, et même comme Tomorrowland, même s'il n'a pas marché, mais dans un sens pareil. Donc c'est intéressant de voir qu'ils sont capables de prendre du recul sur ce qu'ils font et de se montrer. Pertinent en plus dans la manière qu'ils peuvent avoir de le faire. Le seul bémol que je donnerais à Ralph 2.0, c'est l'antagoniste. Voilà. Cette espèce de grosse larve, là, ça fonctionne pas visuellement. Ouais. Mais après, heureusement, le film ne tient pas, ne tient pas que sur son antagoniste. Je trouve que quand même, les clones de Ralph à la fin, qui forment un Ralph géant, visuellement, c'est quand même super impressionnant. Quoi. Oui, bien, ça oui, d'accord. Ouais. Oui. Ouais. Mais oui, je suis d'accord avec toi que la larve, c'est pas un truc super visuel, très intéressant visuellement. Quoi. C'est pas que le personnage n'est pas bien, mais c'est que visuellement, ça fonctionne pas. Ouais. Voilà. Ouais. Ok. Parfait. Eh ben, du coup, on va passer tout de suite à Morgane qui va nous donner de son numéro 10 jusqu'au numéro 4. Alors, numéro 10, on va dire, sauvé in extremis ce film que j'avais un petit peu oublié, mais en y repensant, je me suis dit... Ça avait été un petit choc personnel au cinéma, c'est Celle que vous croyez, avec Juliette Binoche, qui est sortie en février, il me semble, oui, je crois. Une histoire d'amour entre une cinquantenaire qui se crée un faux profil sur les réseaux sociaux et se fait passer pour une femme de 24 ans, dans le but de séduire François Civil. Enfin, je pense que tout le monde passerait par là pour séduire François Civil de toute façon. Non, c'est un film qui m'a beaucoup parlé, qui m'a touché, qui m'a bouleversé. Tant la prestation de Juliette Binoche que le jeu de François Civil qu'on entend plus qu'on ne voit dans le film. D'ailleurs, le film a beaucoup rappelé Heur, avec Joaquin Phoenix. Mais autant Heur, j'étais un peu passé à côté. Là, ça m'a... Et là j'ai été mais estomaqué quoi. C'était tellement bouleversant et même Nicole Garcia dans le rôle de la psychologue, elle a une scène à un moment donné, mais j'en avais les larmes aux yeux. C'est un très très très beau film que je vous conseille, qui est un peu oublié forcément parce que il est sorti un peu en mode ninja quoi. Il est vite sorti des écrans, mais faut vraiment le voir parce que si on aime Juliette Binoche, voilà, déjà il y a ça. Mais c'est une magnifique histoire et une belle histoire d'amour qui dit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, sur le fait que grâce à l'anonymat, on peut se refaire une nouvelle vie, on peut s'inventer une nouvelle vie, se repartir dans le passé. Enfin, c'est très très très beau, ça dit beaucoup de choses. Vraiment, voyez-le. Numéro 9, pareil, un film oublié qui est sorti et qui est parti au bout d'une semaine. Late Night, c'est sorti, c'est sorti cet été avec Emma Thompson, qui pour moi est la meilleure actrice une des meilleures actrices de tous les temps. Une actrice qu'on ne voyait plus vraiment, ou du moins dans des seconds rôles, tout récemment d'ailleurs dans le film qu'elle a scénarisé Last Christmas avec Emilia Clarke. Là dedans elle tient le rôle principal, c'est un film qui parle des médias où elle joue le rôle d'une présentatrice d'un late show qui est installée depuis des années, qui est un peu sur le déclin, qui a du mal à vivre avec son temps, qui est anti-réseaux sociaux, etc. Et elle va être aidée par une stagiaire qui débarque avec sa folie, avec sa connaissance du monde d'aujourd'hui, de ce que les gens ont envie de voir. Et ça va être une rencontre entre deux générations. Et en plus de ça, c'est un film qui parle de tellement de choses. Ça parle du racisme, ça parle du féminisme, ça parle de... C'est un film qui est très politisé finalement, mais à travers un côté comique. Et vers la fin, un gros moment d'émotion qui m'a bouleversé aussi. J'ai jamais vu Emma Thompson aussi parfaite. Et je crois même que c'est pour moi sa meilleure prestation de toute sa carrière. Vraiment, c'est un film qui paye pas de mine, qui a l'air un peu, quand on voit l'affiche, quand on voit la bande-annonce, ça a l'air d'être un peu mignonné, tout ça, un peu style, même si j'aime beaucoup, mais Le Diable s'habille en Prada, mais c'est très profond et c'est un film que je vous conseille. C'est très très bien, Le Diable s'habille en Prada. C'est très très bien, d'ailleurs j'ai envie de le revoir, j'en ai parlé à mon copain hier et il est tenté d'ailleurs, j'y ai montré la bande-annonce. Et, mais Late Night, faut le voir parce que c'est beaucoup plus épatant que ça en a l'air. Et bah, surtout que bah, c'est un film qui n'aura pas de sortie en vidéo, DVD, Blu-ray, parce qu'il est de base sur Amazon Prime en Amérique, je crois. Ouais, c'est ça. Alors malheureusement, si vous voulez le voir, il faut passer par la case illégale, mais franchement, bravez la justice parce que ça vaut le coup. Numéro 8, Ad Astra de James Gray, le un des gros flops au box-office de l'année pour James Gray, qui lui vaut encore une fois d'être boudé aux Oscars, aux Golden Globes. Hein. Il a pas de chance, ce mec. C'est vraiment c'est la poisse totale. Mais c'est dommage parce que bah, Ad Astra, c'est effectivement, c'est pas du grand spectacle, c'est intimiste, c'est très malikien pour le coup. Mais c'est un film qui m'a parlé parce que moi les histoires de quand ça se passe dans l'espace en général moi, ça prend sur moi. Et puis là on parle quand même de quelqu'un qui a perdu son père véritablement, dont le père est on ne sait où dans les étoiles et qui va tout faire pour le retrouver. Bon, après derrière tout ça il y a une métaphore on ne recherche pas le père, on recherche Dieu le père, et c'est toute cette quête du père, mais du Dieu quoi. Parce que son père a le pouvoir de vie ou de mort sur l'humanité, puisque c'est l'histoire d'une mission qui a mal tourné. Et en gros, bah, le père est là pour en gros sauver la... C'est lui, en fait, le dernier espoir de l'humanité. Puis en gros, bon, bah, à travers tout ça, on comprend que James Gray parle de Dieu. Donc c'est une quête existentialiste, c'est un voyage totalement métaphysique. Et il y a des images qui sont sublimes et que je n'avais jamais vues. C'est-à-dire que je suis sorti de la séance en me disant... « Waouh, il y a telles images que j'ai jamais vues au cinéma et ça m'est resté gravé. » C'est visuellement exceptionnel et c'est de l'émotion qui n'est pas mélo, qui n'est pas sirupeux, c'est de l'émotion qui est très sobre. Et Brad Pitt, là là, mon Dieu, mais quel acteur, il incontestablement l'acteur de 2019 pour moi, pas avec Once Upon a Time mais plutôt avec Ad Astra. Là c'est pas là c'est juste une question de préférence de genre, mais il est pourtant très bon dans Once Upon a Time. Il est très bon, hein, mais je l'ai tellement préféré dans Ad Astra, quoi. J'aime bien les jeux tout en dans Once Upon a Time, il s'amuse quoi, et c'est très bien, on s'amuse avec lui. Mais Ad Astra, il y a vraiment cette émotion-là, juste par un regard. Un regard, il dit rien, il est déchirant. Comme dans The Tree of Life. Exactement. Mais les films se rejoignent. Tu l'as vu, Eddie, ou pas? Non, je ne l'ai pas vu. Ça va te plaire aussi, ça. Mais voilà. Je voulais. Ouais, moi aussi. Mais ah, vous ne l'avez pas vu tous les deux? Bah non. Mais il faut le voir. Ouais, ouais, par contre, il faut être prêt. Hein. C'est un film qui est lent. Oui, c'est un film qui prend après, son moi, temps, c'est pas, en général, c'est pas le genre de truc qui me. Non, non, on a l'habitude. Hein. Non, mais quand la bande-annonce est sortie, il y avait eu un plan dans la bande-annonce où on voyait des. Appelons ça des voitures qui roulent sur la lune. Et puis les gens, ils étaient là. Ah, oh là là, ça va être Mad Max Fury Road dans l'espace. Ouais, non, non, mais... on parle de James Gray. Du tout. On parle mais non, mais le problème, c'est que c'est des sociétés qui font les bandes-annonces. Ouais, voilà. Ouais. Ah oui, mais là, du coup, c'est pas représentatif des films, bien souvent. Ah bah là, Ad Astra, clairement, hein, c'est comme Lost City of Z, quoi. C'est pas Indiana Jones, hein. Non, c'est ça se rapproche. Voilà, c'est un espèce de Lost City of Z version dans l'espace, quoi. C'est très, très, très beau et malheureusement, le flop est à la fois compréhensible, mais enfin pas tellement justifié pour ma part parce que c'est un des films les plus forts que j'ai vu. Numéro 7, bah j'en ai parlé dans le dernier podcast, La Belle Époque de Nicolas Bedos. Cinéma français en très grande forme. Et là j'ai toujours aimé ce mec, même en tout début de carrière, quand il écrivait des bouquins et faisait des chroniques un peu corrosifs. Il a un talent de dialoguiste, il a un talent d'acteur aussi. Il était très bon dans son premier film. Là il joue pas dedans, il le réalise, il l'écrit, ça se voit. Il y a mille idées toutes les minutes. Il y a un propos, il va jusqu'au bout de son truc. C'est abouti, c'est drôle, c'est très émouvant. Et j'espère qu'il ira au César et qu'il en aura un ou deux. Honnêtement, meilleur scénario, je lui donne sans problème. Meilleur réalisateur, ce serait pas démérité parce que La Belle Époque est un film qui est vraiment épatant. Numéro 6, Dumbo de Tim Burton. Je ne croyais pas du tout en ce projet. Enfin, j'ai revu une publication, bah, ça fait un an, voilà, sur Facebook, où j'avais posté l'affiche, pas l'affiche officielle, mais une première affiche où j'avais dit... Ok, c'est beau, mais le film, je le sens pas du tout parce que Burton. Numéro 6, et... tu le mets? Ouais. Ouais, parce qu'il y a d'autres films après. Ah oui, d'accord. Mais non, mais tu... oui, non, mais c'est que tu l'as mis plus haut que moi, en fait, finalement. Ouais. Ah oui, non, mais c'est... j'ai adoré. Ça a été. Au début, enfin, Aladdin aurait pu être ex aequo, mais je voulais pas faire ce qu'Aladdin j'ai beaucoup aimé aussi, finalement. Mais Dumbo, ça a été le film qui m'a le plus. Bah, j'ai pleuré 4 fois, quoi. Et même en le revoyant. Ah ouais. Parce que ça, c'est des films que j'ai revus à chaque fois. Hein. Bon, sauf Ad Astra et La Belle Époque, mais les autres films que j'ai, dont j'ai parlé, je les ai revus. Non, sauf celle que vous croyez, du coup. Mais Dumbo, j'avais envie de le revoir parce que c'est vrai que j'avais eu un souvenir tellement fort au premier visionnage. Parce qu'il y avait aussi l'effet de surprise. J'y suis allé en traînant des pieds en disant oh là là, mon Dieu, je vais voir ça. Ça va être nul, Burton, je peux plus. Et là, je me suis laissé cueillir. J'ai pleuré 4 fois et la deuxième fois, pareil. Ça a marché, je trouve ça sublime. Et là où le film m'a surpris, et je vais en parler un peu plus longuement, c'est que. Autant je trouve que Burton, quand je vois un de ses films, j'ai souvent tendance à savoir où est-ce qu'il m'emmène, tout ça. Et là, en fait, j'ai trouvé que c'était un film avec des personnages, comme l'a dit Eddie, que les personnages existent. Et même, les personnages sont tellement nuancés. Eva Green, par exemple, quand on la voit arriver, on pense dit, que ça va être, on va la voir tout le temps, ou que ça sera la méchante, et en fait, non, elle est dans quelque chose de beaucoup plus... C'est plus beaucoup nuancée, plus complexe que ça. Voilà, elle est juste parasitée. Elle a l'esprit totalement parasité par cette industrie du spectacle. Et elle va s'humaniser au contact de Dumbo. Et du coup, le fait qu'elle ne soit pas la méchante laisse toute la place à Michael Keaton d'exploser dans ce rôle-là. Et lui, il est tellement bon en fait là-dedans. Il est très bon, ouais. Vraiment, il est très très bon. Et Colin Farrell est attachant aussi. Danny DeVito, mais les moments d'émotion marchent vraiment. Et même les scènes qui ne sont pas émouvantes m'ont fait pleurer. La première scène d'envol de Dumbo juste après qu'il manque de se faire brûler, magnifique. La BO est super. Mais la fin, toute la partie, enfin tout le rajout en fait avec le parc Dreamland. C'est très, enfin il y a beaucoup de scènes quand même qui sont, enfin qui en plus font de la continuité par rapport au film d'animation et c'est une qualité aussi du film, c'est que au-delà du simple remake live, c'est qu'il l'étoffe en fait. Et c'est ce que devraient être tous les Disney live finalement, c'est élargir en fait les backgrounds des personnages et tout, et faire avancer l'histoire, lui donner une autre dimension. Mais là, il a totalement compris ça, Burton. Et en plus de ça, voilà, c'est une commande, mais il a transcendé par un film qui lui ressemble dans les thématiques. C'est vrai, c'est du Burton. C'est un film qui était fait pour lui. Voilà, le monde du spectacle, le côté freaks. Burton adore ça. Mais c'est pas le Burton bariolé à la Beetlejuice, à la Edouard aux mains d'argent. C'est pas ces décors à carreaux, machin, ces espèces de personnages avec des têtes bizarres. C'est vrai qu'il y a l'île aux monstres dans le film qui rappelle un petit peu ça, mais sinon tout le reste du film c'est du Burton beaucoup plus récent, beaucoup plus comme il fait la plupart de ses films depuis quelques années. Mais il y a une, en fait c'est l'aura principale qui rappelle vraiment que c'est un film de Burton. Oh oui. Même dans le traitement du coup de la marginalité aussi, parce que Dumbo finalement c'est un personnage totalement burtonien dans l'idée. Et qui, c'est vrai que techniquement, enfin c'est tellement beau, enfin c'est magnifique, esthétiquement c'est un film qui est sublime au niveau des couleurs, au niveau de l'animation, c'est impeccable, c'est généreux, c'est un beau spectacle, voilà, du bon spectacle généreux qui fait autre chose que ce qu'on attend, qui va plus loin, et du coup il surprend, parce que tout ce qui m'a surpris c'est tout ce que Burton a écrit derrière finalement, et ça c'est très beau. Et effectivement c'est ce que j'attends des adaptations live, même Aladdin qui était très bon, enfin Aladdin il fait comme le Disney, mais hop il nuance à 2-3 moments et c'est là que ça fait la différence. Aladdin je trouvais que ça faisait un peu plus comme la Belle et la Bête, c'est que ça racontait d'autres choses, enfin ça, c'était la même histoire mais dans un angle un tout petit peu différent. Et qui surtout avec en fait rajouts, voilà, et qui vient étoffer en fait le background des personnages déjà existants. Si tous les Disney Live pouvaient être comme ça, ça serait déjà bien. malheureusement, moi je pense que faut pas qu'on s'étonne. Hein. Moi je pense qu'on va plus partir maintenant sur des trucs façon Roi Lion. Sachant que c'est un énorme succès au box office. Le Roi Lion va donner la tendance quoi. Les gens veulent la même chose, en fait. C'est ce que Disney va se dire. Après, Mulan, puis en plus, on le voit, hein, Mulan qui a priori devrait être différent, mais finalement, les gens commencent déjà à gueuler parce qu'il n'y a pas Mushu. Donc, ni les chansons. Voilà. Mais c'est normal. C'est normal. Mais bon, après, on verra si Mulan cartonne, marche très bien, on peut être optimiste. Bah, je pense qu'il va marcher parce que c'est un personnage populaire, quand même, Mulan. Puis en plus, le truc, c'est que Mulan. autant tu vas voir La Belle et la Bête, Aladdin, tout ça, t'y vas pas. Enfin, disons que ça s'adresse à un certain public, alors que Mulan, c'est une héroïne, mais qui touche tout le monde. Moi, je me rappelle que quand Mulan est sortie, moi j'étais au primaire encore. Les garçons comme les filles adoraient Mulan en fait. Parce que c'était une jeune fille, donc les jeunes filles, les petites filles, bah oui, elle est trop belle, machin. Mais en même temps, c'était une héroïne forte. Et les garçons, du coup, ah bah ouais, mais en plus, elle se bat et tout, elle est trop forte. Donc et même en vieillissant, finalement, c'est vrai que tu te dis, bon, bah, je pense que Mulan a le potentiel pour fédérer, quand même. Ouais. Et je l'espère, vraiment. Bah oui, moi aussi. Hein. Mais Dumbo a pas trop mal marché, hein, d'ailleurs, aussi. Oui. Hein, il a plu, en plus. Hein. Ouais, oui. Puis bon, Dumbo, il y a quand même l'étiquette Tim Burton. Parce que Tim Burton, même s'il se fait pas mal bâcher, assez injustement, quand même, hein, je signe là-dessus, je trouve que les gens s'acharnent beaucoup sur Tim Burton, alors que... Je pense que c'est principalement à cause d'Alice. Hein. Ouais, mais il n'empêche qu'il a quand même toujours une base de fans large et qui est bien là, donc... C'est rare que ces films fassent totalement des flops. En tout cas, voilà, je suis content. Voilà, je suis assez surpris, mais voilà, je le dis, je suis honnête, je me suis planté. J'y suis allé avec des a priori et finalement, mais tant mieux. Bah, ouais. Numéro 5. C'est mieux que ça arrive comme ça que dans l'autre sens. Hein. Ah bah, il y a le cinquième, c'est pareil. Hein. Ouais. Numéro 5, c'est Midsommar d'Ari Aster. Ari Aster, hein, moi, Hérédité, oui, ça n'a pas vraiment aimé, marché. Oui. Ça a pas du tout marché. Puis Midsommar, quand on m'a dit, ouais, expérimental, ça va durer 2h25, j'ai fait, ah, ok. En version cinéma ? En version cinéma, ouais. J'ai pas vu la version longue parce qu'elle m'intéresse pas. Je trouve que la version cinéma est suffisamment complète, j'ai pas besoin d'en voir plus. Elle est suffisamment longue et j'ai peur que 25 minutes de plus ce soit pas finalement utile. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il me manque quelque chose en fait. Donc je m'en contente, je la verrai un jour, mais voilà. Quoi qu'il en soit, Midsommar, film épatant, film d'horreur, oui, mais pas très. C'est un film qui est anxiogène. Apparemment, c'est très dérangeant quand même. Hein. C'est très dérangeant, évidemment, mais c'est pas de l'horreur au sens où on peut l'entendre. Enfin, l'horreur popcorn. D'ailleurs, oui, quand je suis allé le voir. Mais c'est gore, quoi. Oui. Alors, je sais qu'Adrien n'aime pas ce mot-là, mais c'est plus malaisant qu'autre chose. Mais il y a quand même des moments un peu gore, oui, à un ou deux, mais c'est pas non plus. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que ce film-là est un peu déroutant parce que même a été vendu un peu bizarrement. Parce que, grand souvenir, je raconte ma vie, en allant le voir au cinéma, il y avait des jeunes derrière moi qui devaient avoir 14 ans et qui ont dit « Ouais, on va voir un film d'horreur, c'est un film avec des jeunes qui vont aller en Suède et puis ils vont se faire tuer par une bande dans une secte. » C'est pas vraiment ça. Pas vraiment. Il y a un côté sexuel, il y a un côté très contemplatif aussi. C'est un film qui se passe que deux jours. Eh oui. Et en soi, il fait peur même. Parce que ça se passe pas pendant un solstice ou je sais plus quoi. C'est ça. C'est ça. Et du coup, c'est ça qui est perturbant. C'est que c'est étouffant parce que tout est tellement ensoleillé. Ouais. Ouais, c'est tellement solaire. Bah, un peu façon Shining, quoi. Bah, ouais, voilà. L'horreur, elle éclate tout le temps dans un univers très... lumineux. Mais très lumineux, oui, parce que finalement... s'il y a de là-dessus qui joue au Kubrick, beaucoup. Oui. Et bah dans Midsommar, justement, c'était toute cette expérience-là pendant 2h25 que j'ai vécue qui m'a dérangé, qui m'a troublé. Je savais pas sur. Enfin, j'étais vraiment perdu. Et après, bon, c'est un film qui est limpide, plus ou moins à comprendre. Il y a un propos, faut l'analyser. J'ai pas encore tout compris la deuxième fois, parce que je l'ai revu aussi. Mais c'est une expérience qui ne m'a pas laissé indifférent, quoi. Forcément, quiconque le voit ne peut que trouver ça perturbant. Je dis pas que ça va plaire à tout le monde. C'est une proposition de cinéma qui est un peu particulière. On est clairement dans l'expérimental, mais c'est une expérience qui est forte. J'ai l'impression qu'il a plus fait l'unanimité que son film précédent, quand même. Ouais. Et ceux qui n'avaient pas aimé son film précédent ont continué à qualifier ce film-là de branlette intellectuelle. Je peux comprendre qu'on puisse trouver que c'est un film qui prétentieux. Effectivement, c'est un film qui a sa démarche et qui est très particulière. Puis c'est aussi là, pour moi, hein, même si elle était connue depuis quelques films, la révélation de Florence Pugh. Florence Pugh. Florence Pugh. Tu prononces pas la fin. En fait. Ouais. Pugh. Florence Pugh. D'accord. C'est pas Pew Marmaille, c'est pas Florence Pew. Florence Pew, qui était très bien d'ailleurs dans le film de Greta Gerwig, Les filles du docteur March. Oui. Voilà, une grande révélation en termes d'actrice, elle est épatante. D'ailleurs, je sais pas vous, ou c'est moi qui, je sais pas, peut-être que j'hallucine, mais sur l'affiche de Midsommar, si vous en souvenez, au début, quand j'ai vu l'affiche, j'ai cru que c'était Marion Cotillard. Moi aussi. Ah bon ? On est d'accord. Ouais. Je croyais que c'était Marion Cotillard. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit. Ouais, moi aussi. Mais pendant longtemps, je me suis dit, tiens, c'est un nouveau film avec Marion Cotillard, du coup. Oui. On dirait Marion Cotillard. C'est vrai, oui. Voilà. on n'hallucine pas. Non. En tout cas, sacrée expérience, hein. Faut le voir. Pareil, comme je dis, ça va pas plaire à tout le monde. C'est vrai, ça va diviser. Mais. Non, moi, je pense que ça a beaucoup plu. Ah, mais il y a Will Poulter. Oui. Il est très bon, d'ailleurs. Et puis, il y a celui qui joue dans. Dans The Good Place. William Jackson Harper. Effectivement, c'est vrai. Donc voilà, et la scène de fin, puis même un travail sonore. À toi, Axel, qui adore le son au cinéma, mais tu vas te régaler. Enfin, vraiment, il y a un jeu, il y a une ambiance sonore qui est épatante. Et rien à voir avec Ikea, du coup. Pas du tout. Non. C'est. Enfin, je pense que quand on rentre chez Ikea avec les vendeurs qui sautent dessus, déjà c'est très sectaire. Parce que c'est la mort de ton couple assuré, ça c'est sûr. Voilà, c'est ça. Donc, quand on monte un meuble. Oui. Non, Midsommar, premier responsable des divorces. Non, c'est Ikea, ça. Mais bon, Midsommar peut-être aussi, hein, du coup. Oui, possible. ok, très bien. Du coup, et numéro 4, l'heure de la sortie de Sébastien Marnier. Voilà, le meilleur film français que j'ai vu cette année. C'est le premier film où j'ai crié au chef-d'œuvre quand je l'ai vu. Et j'ai mis du temps avant de revoir un film. T'aurais pu crier au génie. crier au chef-d'œuvre. Non, parce que j'évite maintenant de galvauder ce terme-là. Mais là, quand le film. Oui, quand c'était quand... surtout un calembour, mais bon, c'est pas. J'avais pas fait gaffe. Et quand j'ai vu ce film, honnêtement, j'ai eu du mal à me relever de mon fauteuil, tellement ce film, pareil, m'a surpris. On part d'un postulat tellement classique, c'est Laurent Lafitte qui fait un remplacement dans un collège privé où l'un des profs s'est suicidé devant toute sa classe. Sympa. Et il va se rendre compte, que les élèves qui sont dans cette classe ont un comportement un petit peu bizarre. Ils sont un peu, c'est des surdoués. Ils ont un comportement un peu, ils sont froids, ils sont très antipathiques, ils sont comme tous les enfants, quoi. C'est voilà, c'est ça, ouais. Et ils ont un secret, et c'est il va essayer de découvrir un peu quel est le mal qui leur ronge, et la nature de ce mal-là, quand on comprend tout ça, ça amène un propos écologiste qui est un propos écolo qui est vraiment très pertinent, qui est pas moralisateur non plus, et il en fait quelque chose d'assez fou. Jusqu'à cette fin, mais qui est d'un nihilisme, mais comme j'en ai rarement vu, quoi. On est là, on se dit, on est vraiment dans la merde. Hein. C'est un film, il y a pas d'espoir. Il y a plus d'espoir. Il y a Emmanuel Berco. Ah, il y a plus d'espoir, quoi. C'est un film qui est très. Ça va pas vous mettre la banane hein, quand vous allez le voir, mais. J'ai déjà une tante qui est prof d'histoire et quand elle parle des nouveaux élèves qui rentrent en sixième, la peine, quoi. Ah mais là c'est même pas une question d'élèves, c'est une question de ça parle même pas de parce que c'est des surdoués, donc du coup ils sont pas bêtes, on se dit mais attendez, mais il leur dit même Laurent Lafitte dans le film, vous êtes brillant, vous êtes intelligent, mais qu'est-ce que vous avez, pourquoi vous êtes comme ça, et il leur dit mais vous pouvez pas comprendre, et quand on comprend on se dit ah mais oui effectivement ils ont raison, il y a des trucs qui se passent et on s'en rend pas compte. Et il y a un jour où tout ce qui se passe et où alors qu'on s'en rend pas compte ou on fait pas gaffe, ça va avoir des proportions un peu énormes et le film nous le met en pleine gueule et c'est une vraie claque à ce niveau-là, vraiment. Et même dans la proposition de réalisation, c'est un film qui on est un peu entre Carpenter et Jeff Nichols aussi. D'accord. C'est inquiétant, c'est troublant, c'est pesant et Laurent Lafitte exemplaire. Et Sébastien Marnier, faut dire ce qu'il est, c'est son deuxième film. Déjà le premier film qu'il avait fait avec Marina Foïs en 2007, Irréprochable. Il était très bon et là voilà, ça fait partie des nouveaux noms qui arrivent, qui ont des propositions de cinéma qui sont différentes. C'est bien, c'est ces mecs-là aussi ça. Qui peuvent changer un peu la face du cinéma français, quoi. Ah ben j'espère. En plus, d'après ce que j'ai cru comprendre, parce que je suis en contact avec Monsieur Marnier, il est devenu, il a intégré la commission du CNC, ceux qui financent les films. C'est bien. Donc du coup, Voilà, un mec comme ça, il peut donner du crédit à d'autres projets et tout. Et voilà, faut retenir ce nom, Sébastien Marnier. Je pense que dans 10 ans, si tout va bien, on en reparle et il peut être au même niveau que certains grands aujourd'hui. Bah oui, donc, le grand Marnier, voilà. Bien sûr. Le grand Marnier. Oui, voilà, je l'ai fait. Et non seulement j'ai fait ce jeu de mots et je l'ai mentionné. Et il a liké, il a mis un petit cœur. Donc voilà. Ok, très bien. Voilà. Écoutez, très bien. Oui, parce qu'on a des relations à Movies Nerd. Ouais, attention. Oui. Alors, en termes de relations, alors pour le coup, je fais une petite parenthèse. J'ai parlé avec le réalisateur du film là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, un vrai bonhomme, qui se trouve être le scénariste du film Mon Inconnu. Donc, je l'ai mentionné sur ma critique et tout. Et j'ai parlé avec lui pendant une heure en privé. C'était passionnant. On a parlé de la critique, on a parlé de plein de choses. Il m'a donné son avis sur le cinéma français, et ben ça fait plaisir de voir que quelqu'un ne mâche pas ses mots. Ah oui, j'ai vu. Ah oui, je crois que j'ai vu. Il s'appelle Benjamin. Un vrai Parent, bonhomme, est... oui, oui. Ouais. Un adolescent timide. Ah, mais je crois. Alors attends, je crois que j'en ai entendu. Où est-ce que j'en ai entendu parler de ça? Bah, sur mon mur Facebook. Non. Non, parce non, que non, je non, pas. Non, j'ai dû voir ça sur M6, je crois, dans le journal. Non, mais il est très bon. Et franchement, parler avec un réalisateur comme ça, un tout jeune réalisateur. C'est incroyable parce que avec même moi avec Isabelle Carré, oui, c'est ça. Ouais. Et franchement, bah c'était j'ai vécu ma meilleure vie pendant une heure quoi. Écoute, donc voilà. Morgane, la place d'intervieweur sur Movies Nerd est toujours à prendre. Hein, moi, oui, bien sûr. Je suis sûr que je peux même l'avoir en audio ou en Skype ou je sais pas quoi. Voilà. Il est tellement ouvert, mais vraiment tellement ouvert. Même petite parenthèse, je lui parlais d'Edmond. Je lui dis que j'ai adoré Edmond. Il m'a dit que j'ai pas aimé Edmond, alors que Thomas Olivérès est un de mes potes. Et ben voilà, oui, mais c'est aussi. C'est ça parce que c'est normal. C'est important aussi de pouvoir se contrebalancer. Ouais. Et puis même lui en tant que réalisateur, je lui ai même dit que Mon Inconnu que j'ai adoré. J'ai une petite réserve sur le film, c'est la fin. Et il m'a dit, tu sais quoi, t'as raison, même moi je trouve qu'il manque un truc. Alors que c'est lui qui a écrit le scénario. Et quand je lui ai parlé des mauvaises critiques sur Un Vrai Bonhomme, je lui ai demandé, je lui ai dit, moi je suis pas réalisateur, je suis pas acteur. Si j'avais écrit une mauvaise critique, est-ce que tu l'aurais mal pris? Parce que je l'ai tutoyé, j'avoue. Et il m'a dit, écoute, ça dépend de la critique. Il me dit, j'aime lire les mauvaises critiques. Oui. Il me dit, parce que je sais sur quoi on peut me corriger, sur quoi on peut me choper. Il me dit, il y a des détails, par contre, je trouve que quand ça tourne à la mauvaise foi ou à l'acharnement, ça me fait chier. À partir du moment où il y a un argumentaire et que, oui, voilà. Et que c'est vraiment. Mais c'est ça, c'est pas juste. Il y a un argumentaire, je me dis, ouais, c'est pas bien, j'ai pas aimé. Ben non. Ouais. Et il m'a flatté. Pour moi, c'est même pas de la critique, ça. Non, c'est donner son avis. Voilà, c'est tout. Et il m'a fait un joli compliment parce que je lui ai dit, ouais, bon, je suis pas un gros critique. Il m'a dit, écoute, c'est super fluide, tu n'as pas à rougir de ce que t'écris, tout ça. Oui, non, mais après, ça, tout le monde te le disait déjà, hein, Morgane. Mais j'ai jamais confiance en ce que j'écris, mais je pense que même toi, c'est pareil, Eddie. Hein. Je pense que personne n'a confiance. Moi, je trouve que j'écris pas. Moi, je trouve que t'écris super bien, mais ah ouais, non, mais en fait, moi je trouve que j'écris pas, comment dire, c'est pas que j'aime pas ce que j'écris, bon, évidemment le contenu, forcément, c'est en accord avec moi-même parce que moi et mes 25 autres personnalités parvenons à des consensus, voilà, c'est évidemment que ça reflète ce que je veux dire, mais c'est la manière dont c'est tourné en fait, je n'aime pas la. Mais je suis pareil que toi. Je n'aime pas la. Oui, j'ai l'impression d'écrire comme quand j'étais au collège en fait. Alors que je sais que j'utilise des adjectifs que j'aurais jamais utilisés à 15 ans, à 16 ans. Mais quand je vois Quentin, par exemple, je trouve que Quentin a une qualité d'écriture et une rigueur qui. Enfin, moi, à son âge, ça me. Oui, non, mais ça c'est. Ouais. C'est dingue. Après, Quentin, il fait des études de lettres. Aussi, forcément, ça aide. Donc, voilà. Moi, j'ai pas. J'ai qu'un bac pro. Hein, je suis pas non plus. Mais c'est vrai que je suis pas fan. C'est pas que j'aime pas ce que j'écris, mais j'aime pas la manière dont ça. Dont ça peut. Ouais, être non, mais je comprends. Bah, clairement, je préfère un mot simple. Je préfère qu'on dise excellent que vivifiant. Tu vois, je préfère ça. C'est excellent, faut le dire. Il y a pas de mauvais ou de. Après, il y a des mots qui font plus jolis, des tournures de phrases. C'est plus ça. Il y a des critiques, ça tourne effectivement à la prose et tout. Et moi, ça, j'ai du mal, quoi. Je préfère lire. Je trouve ce film excellent, il est bien réalisé, plutôt que des phrases très bien faites. Effectivement, c'est joli, c'est enrobé dans des beaux mots. Mais s'il y a pas d'âme, il y a pas d'âme, quoi. Donc au bout d'un moment, c'est sûr. Ça tourne à l'exemple. C'est vrai que ma critique de Star Wars, par exemple, l'épisode 9, je la trouve pas. Moi, je la trouve bien, franchement. Je trouve pas terrible. Je la trouve vraiment... Bon, écoute, on parlera de nos problèmes existentiels sur nos critiques plus tard. parce que bon, je pense que... Oui, mais voilà. Vu qu'Adrien n'est pas là, il faut bien qu'on compense pour arriver à nos 4 heures d'enregistrement. C'est exactement, voilà. Exactement. du coup, moi, je vais parler du coup, des films de mon top 10 du 10e au 4e. En commençant par le numéro 10, qui est Monsieur Link... film d'animation sorti le 17 avril 2019, donc un jour avant l'anniversaire, et du coup qui m'a bien surpris. J'en attendais pas grand chose. Puisque tu n'avais pas aimé Kubo, c'est pas que je n'ai pas aimé, mais personne n'est parfait de toute façon. C'est ça. C'est que j'avais quelques réserves, mais j'ai quand même envie de le revoir. Mais enfin voilà, visuellement c'était magnifique. Il y avait des points d'histoire que je trouvais très très beaux, mais voilà, je trouvais que la fin était un peu bâclé. Bon, après, voilà. Faut peut-être que je le revoie. Mais du coup, Monsieur Link, c'est un super film. Zelda. Voilà, rien à voir, Morgan. Si Oui, Link, mais sinon, c'est tout, quoi. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de princesse à sauver. Il y a un gros Yeti à sauver, par contre. Non, c'est David Link. Pardon ? David Link, le réalisateur de Mulholland Drive. Oh là là. Bon, vas-y, enchaîne. Ça parle du Yeti, du coup, qui est tout seul dans les forêts nord-américaines et qui a entendu parler de l'abominable Yeti du coup au Tibet. Enfin, pas au Tibet, dans l'Himalaya, voilà. Oui. Est-ce que dans Tintin au Tibet, le Yeti est au Tibet, mais Oui. Oui, non, mais voilà, je ne raconte pas de conneries du tout. Non, c'est... Excusez-moi. C'est pour ça que j'ai fait un petit. Je me suis mélangé les pinceaux. Et du coup, il est aidé de Sir Lionel Frost, qui est un explorateur, un aventurier anglais, qui veut faire ses preuves en tant qu'aventurier pour entrer dans la confrérie des explorateurs anglais. Voilà. Et du coup, il va l'aider à aller jusqu'en Himalaya. Voilà. C'est un super film d'animation très touchant, très drôle. Je l'ai vu en français et les voix de Eric Judor pour le Yeti et Thierry Lhermitte pour Lionel Frost qui est l'explorateur sont parfaites. Je trouve Eric Judor il est extrêmement drôle déjà dans son rôle et en plus il est très touchant. Le film est magnifique visuellement. Moi, je vous le conseille. C'est un petit coup de cœur d'animation que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Il y a Emma Thompson en VO, Morgan. Emma Thompson en VO. Oh oui, voilà. Il y a Hugh Jackman et Zach Galifianakis en VO. Zoe Saldana. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est. non, mais je rigole parce qu'il y a eu un jeu de mots de Morgan sur la conversation. J'ai dit Eric jus d'orange. Voilà, très bien. D'ailleurs, est-ce que tu trouves que c'est mérité parce qu'il a eu le Golden Globes du meilleur film d'animation ? Il l'a eu, Monsieur du Link. Coup ? Ouais. Parce que j'ai pas suivi les Golden Globes, du non, coup. Non, c'est lui qui l'a eu et ça a créé la surprise. Parce que tout le monde pensait que ça serait la reine. Ouais, il était face à le la Roi reine Lion, des même. Neiges. Roi Lion. Toy Story ? Aussi, non ? Il était ? Ouais. Ben, honnêtement, je préfère que ce soit un petit film comme ça qui soit pareil. Récompensé plutôt qu'un gros film qui en a pas besoin, clairement. Alors que Monsieur Link, clairement, c'est une bonne petite surprise. C'est, moi, je trouve pour les enfants, c'est génial à voir parce que c'est plein d'idées visuelles et tout ça. C'est très rigolo. Parce que Kubo, c'était assez sombre hein, quand même. Hein. Ouais, voilà. Non, celui-là, c'est beaucoup moins sombre. Oui, il y a quand même c'était un propos... très beau, mais je veux dire, c'était sombre pour les enfants. Ouais. Oui, oui. Ouais, là c'est un peu plus léger, même s'il y a quand même un propos sur, sur l'écologie, justement, et sur un peu l'élitisme aussi, vouloir appartenir à un groupe de personnes alors qu'on finalement on n'a pas besoin de ces personnes pour s'épanouir. Enfin voilà, c'est un joli propos. Sur ça sur et moi je c'est un gros coup de cœur d'animation, voilà. En numéro 9 du coup, là on passe directement à de l'animation aussi, mais c'est un peu beaucoup plus gros budget. C'est du coup La Reine des Neiges 2. Voilà. Mais il a vraiment adoré hein. Non, non, mais... Ouais, c'est... Oh, non, mais c'est bien. J'ai vraiment, vraiment adoré. Je ne m'attendais pas à aimer autant, clairement. Je suis à la limite de préférer celui-ci au premier. Samantha ? Samantha. C'est Olaf, il m'a trop fait rire. Ah oui, oui, par... oui. C'est toi, ouais, Samantha. On est en... Et puis, quand il résume le premier, c'est très drôle. Oui. La scène voilà. Post-générique. Voilà, enfin, il y a énormément. Enfin, j'en ai parlé pas mal dans ma critique aussi dans l'avant-dernier podcast Movies Nerd, donc je vais pas en refaire. Après, je ne te cache pas que les chansons me sont restées en tête. Ouais. Tellement dans un autre monde et je. Pas je te cherche, mais je peux tout réparer là. Ouais. À la fin. Et les images. Les images, par contre, elles sont. C'est oui. Oui, non, c'est magnifique. Même Morgane, Morgane, tu peux pas dire le contraire quand même. Non, visuellement, les couleurs et tout, c'est Mais, c'est beau. Voilà, c'est... Bah, ce serait dommage que ce soit moche. Hein. Oui, oui. Et moi, j'ai trouvé qu'on était presque dans. C'est presque le Hobbit, quoi. Visuellement, ouais, c'est clairement. Oui. On est proche de ça, hein, clairement. Voilà. Et j'en retoucherai un mot plus tard, mais dans une autre. Partie du podcast, j'en en dis pas plus. Voilà, passons du coup au numéro 8 qui est le film Us. Ouais. Voilà. Pour Morgane, je sais que ce sera peut-être un peu bas, mais non, mais il est dedans, c'est bon. Voilà, il est dedans. Ah, parce que moi, il est pas dedans, hein, je vous le dis tout de suite. Ouais, je sais, tu lui as mis un 7 qui est quand même. Enfin, t'as plus apprécié. Ah, oui, non, je sais pas que je n'ai pas aimé, mais pas, je peux pas au point de le mettre dans un top 10. Non, ouais. Non, j'ai tu l'as préféré tard, coup, à Get Out, mais. Ouais. Du coup, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Je l'ai trouvé surprenant. Oui. Disons que c'est le moins qu'on puisse dire, quoi. Surprenant, oui, voilà, bon. Non, mais en fait, c'est difficile. Ben, quand Morgane en avait parlé, il a dit c'est difficile d'en parler sans spoiler. Et c'est clair que c'est très difficile d'en parler sans spoiler. Mais en tout cas. Je trouve que c'est un film très original. Honnêtement, j'ai essayé d'y repenser. Le film me reste en tête déjà, que ce soit sur ses propos ou sur les images qu'il propose. Ouais, il y a des scènes qui sont. Par exemple. Scènes de danse à la fin, mon Dieu! La fin, il y a toute la scène sur la plage que je trouve. Enfin, je trouve que ouais, une plage moi, n'a jamais fait aussi. Le tout dernier plan est en trop. J'ai un peu de réserve sur ça. Moi, c'est ce qui m'a. J'ai des réserves là-dessus, ouais. J'ai une toute petite réserve. Ça m'a pas tellement dérangé. J'avoue que j'ai pas non plus compris pourquoi c'était nécessaire. Mais, c'est ça, surtout. Voilà. Mais, toi, Axel, qui aime les Beach Boys, je suppose que. Ah, ben oui, bien sûr. Forcément, mais, oui. Et justement, moi, par exemple, toute la scène sur la plage, elle m'a marqué visuellement. Depuis Spielberg, j'ai pas eu peur sur une plage comme ça, quoi. Et encore. Attends, quelle scène tu parles sur la plage ? Avec quand la famille va sur la plage. Ah oui. Tu vois, t'as le plan du haut comme ça, avec les ombres qui se déplace sur le sable et tout, c'est oui, visuellement oui, c'est déjà magnifique. Quand il se perd, oui, voilà, quand le petit se perd, qui va oui, voilà. Après c'est aussi une histoire de petit lapin, hein, finalement. Oui. C'est non mais c'est... d'ailleurs le premier truc c'est un lapin. Bah, exactement. Oui, voilà, c'est ça. Et tout le monde aime les petits lapins. Et non mais je trouve que l'univers visuel, tu vois toutes les trouvailles visuelles, les ciseaux, les lapins, les tenues rouges, tout ça. Enfin, il y a énormément de marqueurs visuels qui sont très forts. C'est très Hitchcockien, je trouve. Ouais, voilà, c'est ça. Bah oui. Et oui, oui. Et ça fonctionne très bien en fait. Voilà. Et puis Jordan Peele, voilà, moi j'aime beaucoup ce mélange de. Il y a toujours un peu de comédie. Dans ces films que j'apprécie toujours, enfin, il y a des scènes de meurtre là quand même. Il y a des scènes de meurtre. Il y a par exemple toute la scène dans la maison où il passe de la musique, où il passe NWA, Fuck the Police, en même temps qu'il cherche des gens. Je veux pas trop en dire, mais. Je trouve tout le contexte, toute la scène vraiment bien. Enfin, tout le film est vraiment bien réalisé. Moi, j'avais principalement une crainte qui s'est pas concrétisée, donc c'est très bien. Moi, j'avais peur d'un twist un peu à la mort moelle-neuve. Ouais. Mais oui. On en a un. Hein, ouais, mais moi je pensais que ça allait être sur un truc racial et tout, et en fait non, ça va pas là-dedans, donc c'est bien. Ouais. Parce que c'était un peu, enfin c'est vrai que c'était vraiment ma crainte. J'étais quasiment persuadé. Parce que Jordan Peele est assez militant sur le sujet. C'est ça. Et mais ça en parle, hein, mais c'est pas. Oui, mais c'est plus subtil que ça. C'est moi, je voyais vraiment le dénouement. En fait, les doubles en fait sont des méchants blancs déguisés, quoi. Et en fait, non. Heureusement, c'est les damnés de la terre. C'est ça qui est fort. Et puis même pour le coup, ça parle aussi de la lutte des classes. Oui. Oui, c'est... Et c'est ça qui est beau, et peu importe la couleur finalement, parce que tout le monde est concerné. Oui, voilà. C'est ça qui est bien, justement. Ouais. Je pensais au début, moi aussi, qu'il n'y avait que la famille qui allait être concernée. En fait, non, c'est à l'échelle mondiale. Donc, on se rend compte que peu importe la couleur de peau, on a tous des doubles. Et c'est ça, là-dessus, il s'en sort bien. Pour reparler juste rapidement de cette scène dans la maison, j'adore en fait, parce qu'on a, une énorme montée en tension qui est folle. Et juste après, quand il pense avoir tué tout le monde, je vais pas en dire plus, il se pose sur le canapé, il regarde la télé et il commence à faire des blagues. Et le désamorçage complet de tout ce qui s'est passé juste avant, enfin moi j'aime beaucoup ce genre de retomber comme ça et puis repartir après pour repartir plus fort. Ça fonctionne très bien et je trouve que Jordan Peele est un des meilleurs dans ce domaine-là. Et je veux qu'il continue à faire. Il est prometteur. Je veux qu'il continue à faire des films aussi originaux et aussi surprenants que Get Out et Us. Et Lupita Nyong'o quand même. Oui. Non, mais tous les acteurs, clairement. Mais Lupita Nyong'o, oui, c'est clair que. Et la première scène où on voit la famille, là, les doubles, dans la pénombre et tout, c'est quand même assez. Ouais. Bah, toute la scène de jeu de miroir au début. Oui, ouais. Pareil, hein. Ouais. C'est assez. Non, c'est assez traumatisant. Il y a des images qui me restent en tête qui sont traumatisantes, hein, clairement. Après Winston Duke, il arrive bien à. Des réserves quand même, je le trouve pas très très bon acteur. Qui, Winston Duke? Ouais. Je suis un peu moins fan quand même. Mais bon. Mm. Après, je trouve qu'il est plus fort dans la comédie que dans. Mm. Enfin, tu vois, toute la scène où il est un peu. Enfin, il joue le papa relou un peu. Je trouve qu'il est bon. Mais après, quand on passe dans l'horreur, il est un peu moins bon. Voilà. Mais je trouve qu'il tombe un peu dans le cliché. C'est du pinaillage. Un peu dans le cliché du black américain. Ouais, après, c'est peut-être une. Je sais pas, une. Ouais, mais des fois, j'avais un peu l'impression de voir un personnage de GTA, quoi. Enfin, évidemment, c'est compliqué de dire ça sans paraître hyper condescendant et raciste, mais. Comment dire ? N'aie pas honte de ce que tu es. Hein. Non, mais c'est. Non, alors je n'ai aucun problème du tout. Ma belle-mère est noire. Que tu veux dire. Je n'ai aucun problème. Mmh. Mais. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais je suis un peu d'accord avec toi. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, c'est le mec que tu t'attends, évidemment, à ce qu'il prononce des trucs genre nigger, tout ça. Enfin, c'est très. Bro. Ça fait vraiment. Oui, non, mais cet argot qu'ils ne peuvent prononcer qu'entre eux parce que voilà. Mais je trouve que il cristallise un peu ça et du coup, ça me sort un petit peu de son image de père de famille en fait. Quand il est confronté à son double, par exemple. Oui. Prends ça dans ta gueule, machin, tu vois, c'est très. Je trouve oui, que. Oui, non, mais je comprends. Ouais. Après, c'est secondaire, mais c'est vrai que c'est dans l'écriture du personnage, ça m'a un peu décontenancé. Ouais, voilà. Donc, Us en 8e. Passons au 7e qui est un de. Ben, c'est mon seul film français, malheureusement, du top, mais quel film français? Moi, c'est. Il m'a vraiment marqué, c'est un gros gros coup de cœur de cette année. C'est La vie scolaire de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, qui est un film qui m'a énormément touché, qui m'a énormément fait rire. Je crois que c'est un des films qui m'a fait le plus rire cette année. Moussa, le mec de mon bâtiment. Moussa, voisin. Voilà, mais non, mais il y a des phrases qui sont déjà cultes, alors que le film est sorti en août, quoi. Enfin. Moi, il y a des phrases que je répète encore. Voilà, par exemple celle-là, Moussa, le mec de mon Inch'Allah, bâtiment. On va faire de la pâte à modeler. Voilà, ou le prof de gym qui invente des sports. Enfin, il y a des trucs qui sont tellement drôles, tellement. Mais honnêtement, voilà. Et en plus, il y a l'actrice principale Zita Anroth qui est sublime et enfin qui joue son rôle de CPE qui débarque dans en scène dans une ville de Seine-Saint-Denis qui est juste enfin vraiment je trouve qu'elle joue son rôle à la perfection quoi. Elle est très touchante et en même temps elle arrive à être ferme avec certains élèves et en même temps tout en pouvant les laisser faire des blagues etc. Enfin voilà c'est très moi je enfin j'ai reconnu pas mal de scènes de mes années collège quoi. Bon quelques scènes pas toutes hein, parce que il y en a quand même qui sont un peu plus on va dire virulentes que d'autres mais en tout cas voilà c'est je trouve que c'est une bonne une bonne image de ce qu'est le collège à peu près pour que ce soit aussi dur pour que ce soit pour le personnel des collèges ou les étudiants qui souffrent aussi et on voit que tout ne part pas de rien quoi enfin voilà que les comportements ne partent pas de c'est juste quelqu'un qui a un comportement comme ça et tout enfin ça s'explique quoi donc voilà c'est un film très touchant moi j'ai pleuré à 2-3 reprises et aussi extrêmement drôle voilà moi c'est mon vrai gros coup de cœur de cette année en film français. Morgane, toi tu l'avais vu, hein, il me semble. Ouais, j'ai envie de le revoir, mais rien que d'y repenser, c'est vrai qu'il y a des. Ouais. C'est tellement spontané en fait. Et la réalisation est surprenante, hein, parce que. Oui. Elle est vraiment. Alors, j'espère que je vais pas choquer les esprits en disant ça. Il m'a moins touché que dans que Patient. Parce que Patient, ce sont des. Alors, comment dire. À un moment donné, il arrive quelque chose à un personnage qui va faire basculer certaines choses. Ouais. J'ai pas été ému parce que ma première réaction, ça a été écoute, mon gars. Bien fait pour ta gueule. Ouais. Non, je vais pas dire bien fait pour ta gueule parce que c'est horrible. Ouais. Mais je vais pas te plaindre parce que, écoute, si t'avais pas fait le con, il te serait pas arrivé ça. Oui, alors que dans Patient, ouais. c'est des gens qui ont été accidentés par, par des accidents de la vie. Donc, du coup, par rapport à ce que Patient traitait, je suis moins touché. En revanche, c'est un film qui est pétillant et il est drôle. Enfin, je veux dire, les réactions le Moussa, le mec de mon bâtiment, qui est un running gag pendant tout. Ouais. C'est des jeunes acteurs qui ne feront pas carrière. Même Alban Ivanov, tu vois, qui me sort un peu par les oreilles à certains moments, je le trouve très bon. Je l'aime bien, lui. Il me fait rire. Je l'aime bien. Il a une bonhomie. Oui, il a vraiment il me fait rire. Même dans la voix. Dans certains films, je le trouve pas très bon. Il est sur une série Netflix, là, en ce moment. Oui, je suis curieux. Alors, apparemment, c'est assez catastrophique. Je ne suis plus curieux. J'ai vu 2 épisodes hier. C'est bien? Moi je suis pas trop à fond on parle du truc avec les fantômes là hein, c'est ça ouais c'est pas trop mon délire déjà de base mais en plus ça semble un peu tu vois genre surjoué à certains moments donc voilà mais après ça se regarde quoi c'est pas non plus bref oui du coup mais non c'est formidable c'est drôle et je trouve qu'effectivement ça capte une certaine réalité sans la victimiser c'est important je trouve c'est un film avec beaucoup d'optimisme et c'est ça que j'aime chez Grand Corps Malade non seulement il y a sa sincérité parce que c'est pas un réalisateur mais mine de rien c'est pas un réalisateur il a rien à voir avec le cinéma il a pas fait d'études dans le cinéma mais il a des idées L'idée juste de montrer comment tout le monde se prépare avant d'aller au collège. Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'aurait fait comme ça et je la trouve très bien cette scène très, très jolie visuellement non c'est très bien et puis aussi mais oui Alban Ivanov il jouait dans le sens de la fête oui c'est vrai il y a aussi Soufiane Guérab qui joue le prof de maths et moi je La scène de la réunion parents-prof, elle est exceptionnelle. Ils sont aidés justement par ce casting jeunes qui sont excellents. Comme j'ai dit, ils feront pas carrière, c'est des acteurs d'un rôle, mais c'est pas grave. Ils sont tellement pétillants, tellement spontanés. Et il y a une scène qui m'a marqué dans ce film-là, et je me suis dit, putain, il fallait le faire quand même. Hein. C'est la scène entre la fête chez les adultes et la fête chez les jeunes. Ouais. Et il y a des transitions qui sont tellement bien pensées. Ah oui. Et franchement, j'ai trouvé ça assez épatant. Très, très bien, là. Le montage est très bien. Franchement, c'est un film. Je crois que je vais le revoir ce soir. Mon copain adore ce film. Moi, je sais que j'ai vraiment envie de le revoir. Mais c'est pas lui qui est sorti sur Netflix ? Non. C'est un autre qui est sorti à peu près au même moment. Ouais, qui a le même nom en plus, non ? Non, c'est alors attends, je vais te le... je l'avais, je l'ai noté en plus. Il est plutôt pas mal. La grande classe, il s'appelle. Ah oui, c'est ça. Voilà, avec Jérôme Niel et Ludovic et Nicolas Bernaud. Enfin voilà, c'est aussi un film que j'ai beaucoup bien aimé, mais pas autant que La Vie scolaire. Voilà. Du coup, passons au 6 et je sais que Morgan va crier, mais du coup, moi j'ai mis Joker. Voilà. C'était alors... un cri d'une virilité extrême. Ouais, et le rire de Joaquin Phoenix, on en parle. Mais j'ai pas vu. Oui. J'ai pas vu. Mais bah, le Joker en même temps, Morgan. Voilà. Le Joker, j'y partais vraiment pas confiant, hein, comme je l'avais dit dans, j'en ai parlé dans le bilan de l'été. Je partais vraiment pas confiant parce que il y avait toute cette hype, etc., qui était de la sur-hype clairement. Aussi dès qu'on parlait un peu mal du film, de se faire attaquer sur les réseaux. Enfin, maintenant ça va. Maintenant même les gens, je vais pas dire retournent leur veste, mais ouais, oui, mais... parce que bah en fait dès l'instant où le film est passé nomination aux Oscars. Oh, c'est scandaleux, machin. Bah ouais, mais tu l'as aimé à l'époque, donc change. Après, on peut changer d'avis sur un film, mais je trouve ça beaucoup plus curieux qu'on passe d'un avis négatif à positif, parce qu'on revoit le film dans d'autres conditions, plutôt qu'en 2-3 mois, on se dise finalement, c'est le film, peut-être qu'il est moins bon, mais de là à dire qu'il est finalement pas bon, c'est vraiment qu'à l'époque, on n'osait pas dire que voilà. Moi, j'avoue, pour ma décharge, j'ai pas changé d'avis. Donc, Oui, bah oui. Moi je l'ai vraiment vraiment aimé en fait ce film. Je l'ai trouvé assez différent de tout ce qui se faisait, mais j'ai beaucoup aimé la réalisation, voilà. Joaquin Phoenix, je trouve qu'il est très bon dans son rôle. Plutôt de Arthur Fleck que de Joker. Je le préfère quand il est Arthur Fleck qu'en Joker. Mais il n'en reste pas moins que c'est un film qui, je trouve, même s'il il en fait un peu des caisses à certains moments, parle bien des maladies mentales. De toute façon, en allant voir Joker, on savait à quoi s'attendre et on savait comment ça allait finir. Puisque on savait que Arthur Fleck allait devenir le Joker, donc en partant de ce postulat là, moi la fin ne m'a pas c'est pas qu'elle m'a pas dérangé, parce qu'elle est dérangeante la fin, mais je veux dire, je la trouve pas hors de propos par rapport au personnage, quoi. Je trouve que c'est parfaitement par rapport au personnage, c'est clairement ce qu'il fallait, à quoi il fallait s'attendre. Et je trouve que c'est plutôt bien mis en scène et bien fait. Voilà. Et la performance de Joaquin Phoenix, moi je la souligne quand même, parce que, alors oui, tout le monde l'a dit, je mettrais peut-être pas, je dirais pas que c'est le meilleur Joker de tout, enfin, après, chacun a son préféré selon ses préférences personnelles, selon si vous avez vu Batman de Tim Burton quand vous étiez petit, ou quand, enfin voilà, c'est... Mais je le trouve quand même très bon dans ce rôle, meilleur, 100 fois meilleur que dans Suicide Squad, Jared Leto, voilà. Quand même, on passe quand même à un autre niveau, je trouve. Voilà, moi j'ai passé, je vais pas dire un bon moment devant le film, parce que j'en suis ressorti un peu dépité, parce que c'est clairement ce que le film raconte, c'est pas quelque chose de joyeux, mais voilà, c'est un film que j'ai trouvé très bon et qui changeait un peu de tout ce qu'on avait vu récemment sur des films de super-héros, quoi, clairement. Voilà. Pour finir, je suis au cinquième du coup. Dragon 3, Le Monde Caché. Ah! Voilà. Tu l'as mis haut. Je l'ai mis haut parce que je l'ai trouvé très très bon, je l'ai beaucoup aimé, il m'a fait pleurer, il m'a fait rire. Oui, mais j'ai braillé comme une madeleine aussi, hein, je te rassure. Voilà. C'est vrai que en y repensant, le méchant est peut-être pas aussi bon qu'il l'est dans le 2 ou dans le premier. Mais après, je voilà, je trouve toute la partie où on va découvrir le monde des dragons tellement intéressante et visuellement impressionnante. Et je trouve que c'est plus le cœur du film, le fait de c'est, enfin voilà, qu'on découvre tout ce monde autour et puis que Croque-Mou trouve l'amour, voilà. et voilà, enfin moi j'ai passé un super moment devant. D'ailleurs, il y a un court métrage qui est sorti et il y a des bébés Croque-Mou. Ah, c'est trop mignon. D'accord, ok, bon, bah, on va aller voir. Je crois que c'est sur Netflix d'ailleurs. D'accord, très bien. Voilà, donc moi je suis toujours aussi fan de cette trilogie et pour moi elle est aussi parfaite qu'elle aurait pu être. Il y a peut-être quelques petits détails qui me dérangent dans ce 3, mais c'est du pinaillage par rapport à tout ce que ça m'a apporté. Et puis cette fin m'a bouleversé au plus haut point. Et j'en suis pas ressorti très, comment dire, très fier là. Je faisais pas mon fier en sortant, hein, clairement. Mais voilà, j'ai passé un super bon moment au cinéma. Et pour finir mon quatrième, c'est très justement que je vais mettre en quatrième Toy Story 4. Mm-hmm. Voilà. C'est approprié. Voilà, c'est approprié. Toy Story 4, j'en attendais pas grand chose en fait. J'avais pas vu les bandes annonces exprès pour pas me faire un avis avant. Je voulais vraiment être surpris. Et ce fut le cas, parce que déjà, je trouve que c'est un très très bon film d'animation visuellement. Hein, t'en as parlé, Eddie, mais je te rejoins totalement. Je trouve aussi que. En fait, ce film, c'est peut-être un des films. Je disais avant, La vie scolaire, c'est peut-être le film où j'ai le plus ri, mais je crois que c'est peut-être même Toy Story 4 où j'ai le plus rigolé. Justement, avec ces deux personnages dont je vais pas retrouver le nom, bien sûr. Le lapin bleu. Ah et oui, j'ai plus les noms non plus. Le poussin jaune, voilà. Bunny et Ducky en anglais, qui sont joués par Jordan Peele et Keegan Michael Key en VO. Voilà. Qui m'ont fait mourir de rire dans ce film, mais en plus de tout ça, il y a l'aspect émotionnel. Les scènes où. oui. La scène où ils imaginent comment ils vont pouvoir. Cette ils échafaudent un plan pour s'évader. J'ai pas pu voir la moitié de cette scène parce que j'étais tellement en train de rigoler que je voyais plus rien et que j'entendais plus rien, quoi. Donc. Voilà, et puis tous les personnages qu'il apporte, ce film, Duke Kaboom, Gabi, dont l'histoire, je la trouve, en fait, je trouve que c'est une bonne méchante du film, et elle m'a beaucoup, cette scène à la fin, où elle se retrouve toute seule dans le parc d'attractions, m'a déchiré, voilà, et du coup, ce film, moi, j'ai passé un super bon moment devant. Et je trouve que c'est une très bonne conclusion puisque clairement c'était Toy Story ça parle de Woody principalement clairement et je trouve que c'est une très bonne conclusion au personnage de Woody de terminer comme ça qu'il soit je vais pas dire la fin parce que j'ai pas envie de la spoiler mais voilà, qui se retrouve comme ça, moi je le trouve, c'est une très bonne fin pour ce personnage. Et voilà, je vais passer un très très bon moment. Passons du coup, on va passer au troisième, au numéro 3 de chacun, en commençant par Eddie. Eh bien moi, le numéro 3, et Morgan va être heureux, c'est Glace. Ah. C'est fou que tu le mettes aussi haut, moi ça me. Alors que moi je l'ai même pas mis, moi. Ouais. J'ai Trouvé que c'était vraiment une belle conclusion et que c'est surtout que ça fonctionnait, que ça avait du sens. Mais je pense que je suis tellement heureux en fait de revoir Bruce Willis dans ce rôle-là, même s'il est fatigué, hein, mais. Je pense qu'il y a vraiment au-delà du. Alors on est vraiment sur un top subjectif évidemment. Hein, oui. Mais je pense que ça tient vraiment à ça en fait. C'est de revoir ces personnages-là. Et je trouve que c'est absolument maîtrisé quoi. En termes de mise en scène, en termes de narration et la manière dont c'est fait. Et j'aimerais tellement qu'il y ait une suite, du coup. Mmh. Parce que la fin est ouverte à ça. Et franchement, j'ai trouvé ça génial, moi. J'ai adoré. D'accord, voilà. Très bien. Je pense même que, honnêtement, je le préfère à Split. D'accord. Je pense, okay. Ouais. Voilà. Ok. Donc, bon. Très bien. Ben oui, non, mais très, très bien. J'ai pas grand chose à en dire de plus, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais. Ok, parfait. Morgane, ton troisième. Mon troisième, c'est À couteau tiré de Rian Johnson. Mm-hmm. Voilà, là, le cinéma dans tout ce qu'il a de plus généreux, de plus jubilatoire, de plus drôle, de plus palpitant, quoi. Est-ce que c'est du grand cinéma? J'en sais rien, mais est-ce que c'est un des plus gros kiffs de 2019? Mais clairement, oui. Ouais. Je rêve d'une suite et apparemment, Rian Johnson l'a confirmé. Il est en train de potasser une petite suite avec Daniel Craig. Enfin, la même équipe, en fait, la même team, sauf que là, ça va être une autre enquête. Ouais. Cette espèce d'Hercule Poirot bis, quoi, génialement campé par Daniel Craig. Enfin, le coup du donut, c'est resté. C'est un truc que je dis encore aujourd'hui. Hein. Je parle de donut en permanence. Enfin, c'est un film profondément jubilatoire, généreux, surprenant. Comme j'en ai parlé, hein, c'est un film qui... On pense l'avoir cerné, mais en fait, non, jamais. Il change les règles. Voilà, il surprend de bout en bout. Ouais. C'est un film qui est extrêmement malin, qui est plaisant, qui est bien réalisé. Il y a des moments... Il y a des moments qui sont hyper galvanisants. Visuellement, c'est top. Voilà, énorme. Je sais pas quoi en dire, quoi dire de plus. C'est gros kiff. Je te rejoins parce que c'est mon numéro 3 aussi. Ah, un couteau tiré. Ouais. Non, vraiment grosse claque. Très grosse claque de cette année. J'ai adoré ce film. Honnêtement, en sortant de la salle, j'étais prêt à le mettre en numéro 1. Après, j'ai un peu plus réfléchi aux autres films que j'ai vus, que j'ai mis un peu plus haut. Mais clairement, moi, c'est le type de film que j'adore. C'est les films d'enquête, les films où il y a des mystères. Et en plus, là, c'est vraiment le film ultime pour les gens qui adorent ça. Parce qu'il y a du retournement de situation de tous les côtés. Quand on pense quelque chose d'un personnage, à chaque fois c'est différent, et on est surpris jusqu'à la fin, jusqu'à la toute fin, et c'est vraiment très bien réalisé. C'est drôle aussi, on n'a pas trop, enfin c'est drôle, ouais, c'est vraiment moi je me suis bidonné à plusieurs reprises, quoi, et je m'attendais pas devant un tel film. Le nazi en herbe qui se masturbe dans les toilettes. Voilà. C'est génial. Ça, c'est oui, drôle. Et c'est dit par Daniel Craig, qui est une figure un peu sérieuse, un peu froide et tout. En plus, je sais pas si tu l'as vu en VO. Daniel Craig, oui, physiquement, il est. Je l'ai vu en VO. Il inspire pas le fun, quoi. Et bah franchement, dans ce film-là, il y a une scène où il est en train d'écouter de la musique sur son téléphone dans la voiture, et avec les écouteurs dans les oreilles, alors qu'il y a des voitures de flics derrière. C'est vraiment c'est jubilatoire, c'est un bonheur. Il s'amuse, ça se voit, et je pense que il va s'éclater davantage dans la suite, quoi. Enfin, j'espère. Mais et je veux plein de suites. Ouais, quand on me parle d'une suite de À couteau tiré, je pas tout de suite. Du coup, si c'est juste avec le même. Oui, c'est une autre enquête. Si c'est une autre enquête. C'est juste une enquête différente. Voilà, hein, on reverra pas Martha. Non. D'ailleurs, Ana de Armas qui joue Martha, superbe révélation, hein, clairement. Enfin, on reverra avec Daniel Craig dans No Time to Die. Après, c'est pas que je suis pas fan de James Bond, j'en ai déjà parlé, j'en ai vu aucun, donc je suis en train voilà, je sais que t'es en train, toi, de tous les refaire. Du coup, le montage aussi de ce film qui est le film, il est monté avec brio, c'est à dire que le réalisateur sait à quel moment il va montrer quelque chose au spectateur pour le faire réagir, pour le faire comprendre où va le film. Et finalement, il joue tout le temps avec le spectateur. On ne sait jamais où se placer. On est toujours... on est vraiment assis sur le bord de son siège et on palpite à savoir est-ce que je suis avec la personne qui a fait... Est-ce que je suis pour la personne... Non. c'est pas ce que je veux dire. Oui, non, non, non, mais oui, parce que finalement, tout, en fait, dans l'état, on se dit, on est en train de défendre. Ou... On a l'impression ouais. qu'on est pour la, voilà, c'est ça, la ouais. mauvaise personne. Ouais. Et en fait, tout ça est calculé et à la fin, on c'est revoit ça, ouais. tout. Et c'est extrêmement c'est malin parce que justement, toute cette morale-là de finalement, vous êtes une bonne personne, ouais. etc. Alors qu'on se dit, ouais. alors on va parler à demi-mot, mais Daniel Craig qui dit à un personnage, tu es une bonne personne, on se dit, bah non, ouais. bah non, puisque. Puis en fait, à la fin, ah d'accord, ouais, ok. Ouais, ouais. Et c'est là, c'est toute la malice de Ryan Johnson. C'est très, très malin. C'est très malin. Et même, je peux te garantir que si tu le revois une deuxième fois, parce que c'est le genre de film qui peut moins plaire, eh ben, t'es toujours cueilli par le rythme, par l'humour, ça marche. Le rythme et l'humour, ça, c'est, je pense que c'est intarissable dans ce film, et c'est clairement, ça fonctionne. Et puis, Daniel Craig, en VO, du coup, il fait un plus bel accent du sud, j'ai jamais entendu, du sud des États-Unis. Je ne m'y attendais pas du tout quand il a parlé la première fois, je m'attendais à entendre un accent anglais, du coup, puisqu'il est anglais. Et du coup, non, il fait un accent du sud des États-Unis et c'est surprenant, mais ça fonctionne très bien, bizarrement. Donc voilà. Et puis, voilà, il y a tout le propos justement sur. Il y a un propos très intelligent sur le racisme, justement, qui vous est pas balancé dans la face comme directement. Et ça fonctionne très très bien. Enfin, c'est... Et puis, voilà. Que le film, ça se passe pendant l'Amérique de Trump. De maintenant, voilà, c'est ça. Ouais. Et justement, ils jouent là-dessus, c'est-à-dire que je vais pas en dire plus parce que je veux vraiment que si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille vraiment de le voir. Et je vous laisserai sur une dernière phrase. Faites attention aux tasses. C'est tout ce que je dirais. Voilà. Oui, c'est vrai. Du coup, on va passer au numéro 2. Et du coup, on va commencer avec Eddie. Eh bien, moi, le numéro 2, c'est Once Upon a Time in Hollywood. Mm-hmm. C'est un film que j'attendais quand même, juste parce que le lieu, le sujet, l'époque, et du coup c'est vraiment quelque chose qui je savais que ça me parlerait en fait, et effectivement ça m'a bien parlé. C'est surtout que j'ai vu Pulp Fiction pour la première fois il y a pas longtemps. Ah. Voilà. Et donc évidemment, c'est il y a quand même des liens évidents, je trouve, entre les deux. Même si les époques sont un petit peu différentes, mais pour moi il y a des similitudes en fait. Du coup, c'est vraiment un film que j'ai trouvé excellent en termes évidemment de mise en scène. Bon, alors là, j'avais pas vraiment de surprise. Tarantino, mais c'est encore une fois c'est un film c'est la provoque quoi, et j'aime bien quand il va là dedans c'est pour ça que j'aime bien Inglourious Basterds aussi. Ouais. Et je sais qu'il y en a que ça avait choqué. C'est pour ça que je pense et je comprends les gens qui n'aiment pas en fait, parce qu'il y a pas mal de monde que ça choque et que qui ne comprennent pas justement ou qui n'aiment pas la provoque de ce type-là ou la réécriture si on parle comme ça, mais moi justement c'est ce qui me fait ce que je trouve jubilatoire. Ça fait du bien en fait. Ouais, voilà, c'est ça. De parler de quelque chose de sordide, comment que ça aurait pu se passer totalement différemment. Voilà, moi je sais que Hitler qui explose dans un cinéma, moi c'est un kiff quoi. Ouais, c'est ça. Et je fais un peu ma Mélanie Laurent. Moi, je tue Hitler dans mes rêves depuis que j'ai 5 ans. mais c'est vrai au final. J'ai jamais entendu ça. T'avais jamais entendu ça, Axel ? Non. Il y a la vidéo sur YouTube. Mais c'est vrai que c'était. Enfin, dans Inglourious Basterds, c'était un kiff de se dire putain, mais si seulement, ça avait pu quoi. Je pense que le monde aurait un visage totalement différent aujourd'hui sur beaucoup d'aspects, parce que malgré tout du nazisme on en a quand même hérité. Je suis désolé, mais quand je vois l'esprit de certaines personnes, pour moi il y a des reliquats qui subsistent quoi, c'est obligé, notamment certains partis politiques que je ne citerai pas ici. Parce que j'aime pas les gens qui n'ont qu'un œil de toute façon. Donc voilà. je plaisante, j'adore donc les. T'aimes pas Folleuil dans Harry Potter. Je compatis totalement si vous n'avez plus qu'un œil. Il y a juste un vieux monsieur qui n'en a qu'un que je n'aime pas. Et du coup, c'est vrai que c'était un vrai kiff dans Inglourious Basterds. Mais moi, je ne m'attendais pas à ce qu'ils refassent ça, en fait, avec Once Upon a Time. Ce qui fait que quand c'est arrivé, moi, je m'attendais à l'horreur pure, en fait. Je m'attendais à quelque chose d'absolument Tu avais vu Hateful Eight ? Enfin, tu avais vu les 8 salopes Non. Hateful Eight ? Non. Tu n'as pas vu ? Okay. Et j'avais vu qu'une bande-annonce sur Once Upon a Time. Et je savais de quoi ça parlait. Je savais que Margot Robbie jouait Sharon Tate. Et moi, j'étais persuadé que Margot Robbie, voilà, se ferait zigouiller dans le film. Parce que oui, je spoil allègrement, hein, mais bon, tout le monde l'a vu. Oui, ouais, tout le monde l'a vu. Mais vu que c'est pas le cas, et quand ça arrive, je me suis dit, putain, mais alors en fait, j'ai refait le coup du. Non, c'est pas ce que vous croyez. On n'est pas du tout. On est dans un peu une réalité parallèle, finalement. Moi, j'ai trouvé ça absolument génial. Et j'ai trouvé ça jouissif dans la. Bon, peut-être parce que je ne m'y attendais pas, mais c'est surtout parce que. Bah évidemment, c'est parfaitement horrible ce qui s'est passé dans la réalité et que là voilà, ça n'arrive pas et c'est très bien et c'est ce qui aurait dû se passer au final. Ouais. Mais je m'attendais vraiment à autre chose, parce qu'il iconisait Margot Robbie, il en faisait, elle a vraiment quelque chose de candide et elle est attachante tout le long du film, elle a un visage éclairé, ses grands yeux, enfin je trouve qu'elle correspond parfaitement et c'est vrai, je me dis mais ça va être horrible en fait vers la fin quand il va nous puis d'autant plus quand tu sais que c'est Tarantino, qu'il y va pas avec le dos de la cuillère. Ouais, c'est clair. Donc je m'attendais à tout en fait sauf à ça, ça a été une vraie surprise. Et au-delà de ça, je trouve que tout le discours sur l'actorat, sur le déclin en fait du vieil Hollywood, la fin d'un âge d'or, je trouve que c'est vraiment bien amené et qu'encore une fois chaque personnage existe. Et pour moi, Brad Pitt finalement est le personnage principal, le personnage central presque. Je trouve que c'est vraiment le pilier de cette histoire. Même oui, plus que DiCaprio. Sur lui un peu, c'est donc, ça. C'est lui qui va un peu découvrir le poteau rose avec la secte de Manson aussi. J'allais dire Marilyn Manson. La secte de Charles Manson. Et tout est lié et tout se rejoint. Et pendant un temps, je me suis dit, il va quand même pas nous refaire le coup de la narration. Non linéaire, non chronologique de Pulp Fiction. Ouais. Non, il le fait pas. J'y ai cru. Pendant un temps, j'y ai cru. Je me suis dit, c'est bizarre qu'il se retrouve là, lui. Et on va avoir des surprises plus tard. Bon, il y avait déjà une heure de film de passé quasiment. Je me dis, mais il est long son premier chapitre du coup. Donc bon, bref. et du coup, c'est vrai que, enfin voilà, c'était pour moi, c'était de la jouissance pure, quoi. Et cette scène de fin, enfin. ce joyeux bordel à la fin, ça m'a rappelé le meilleur passage de Kill Bill, hein, clairement. C'est irrévérencieux, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse à voir, mais en même temps, en plus, c'est tellement drôle. Moi, j'avais peur en le voyant et j'ai pensé à toi justement. Je me suis dit, est-ce qu'il va aimer, parce que c'est vraiment gore quand même. Ouais, mais c'est tellement burlesque. Ouais, voilà, c'est ça. C'est en fait. Ça, en fait. C'est burlesque. Moi, le gore où c'est vraiment fait pour nous dégoûter parce que c'est vraiment c'est du sadisme. Le gore et le sadisme ensemble me mettent très mal à l'aise et me dégoûtent, mais limite à me foutre la gerbe, honnêtement. Mais là, c'est pas le cas. C'est que c'est du grand guignol, quoi. Ils sont complètement shootés. DiCaprio, il est bourré. La chienne, elle a les crocs, c'est le cas de le dire. et puis les filles crient comme des folles, quoi. J'étais mort de rire, en fait. C'était de la comédie gore, pour le coup. Oui, c'est ça. C'est du Texavri, en fait. C'est ça. C'est parfaitement ça. Et voilà, c'est un kiff total. Voilà, donc je le mets deuxième parce que ça a été vraiment. Il y a des belles scènes aussi. Leonardo DiCaprio qui se met à chialer devant la gamine. Il y a tout ça, la scène de où il joue avec Timothy Olyphant, tout ça. Enfin, c'est vraiment, c'est. Et puis il y a Brad Pitt shirtless, donc bon. Ce que veux-tu, je reste faible hein, de toute façon. Donc, ouais. Donc oui, non, mais c'est vraiment. Enfin, voilà, j'ai trouvé que c'était un excellent film. Je sais que Morgan ne comprend pas sur sa chaise. Mais. Je comprends. Non, je comprends. Il est juste déçu de ne pas y avoir trouvé les mêmes trucs, quoi. Deux fois, mais vous inquiétez pas, je vais retenter. Il va passer en Dolby bientôt dans mon cinéma. Je vais y aller une troisième fois. Faut que je l'aime ce film. Après, voilà, faut pas se forcer. Mais c'est vrai que moi, fan de Tarantino comme tu es, je ne comprends pas que tu. Et de cinéma, pas que, et de cinéma. Et c'est tellement un film qui est. Il sera pas dans mon flop. Faut pour mettre un film comme ça. C'est pas un mauvais film. Mais j'en parlerai de toute façon tout à l'heure. Et puis je voulais juste, Eddie, du coup toi tu me parlais, tu disais que c'était la maison de Jack Nicholson qui était à côté. Alors en fait oui. Tu vois, en fait, tu as vu l'affiche justement. J'ai vu là où il se gare. Non. Tu sais, près de la maison de Leonardo DiCaprio, enfin à côté, dans la maison de Leonardo DiCaprio, pardon, il y a une affiche où, en face des voitures, et je trouve que le visage ressemble à Jack Nicholson. Peut-être. Si ce n'est. C'est possible, en fait, j'ai pas fait gaffe à ça. Bon, okay, mais oui, dans la vraie histoire, c'est ça. Ils habitent. Alors, ils habitent pas sur Mulholland Drive, hein, mais ils habitent sur, enfin, dans toutes les rues hein, de célébrités. C'est pas Beverly Hills, mais c'est dans les collines, quoi. Au-dessus Los Angeles, au-dessus Hollywood. Et effectivement, en fait, Nicholson et Polanski sont toujours amis, d'ailleurs, étaient amis et habitaient l'un à côté de l'autre. Et en fait, après le massacre chez Polanski, il me semble que Nicholson a racheté en fait la maison. Voilà. Donc, mais ça, vous pouvez aller le voir, hein, c'est dans la fiche Wikipédia de Nicholson pas de l'info à prendre avec des pincettes, c'est des voilà, il y a des trucs quand même plus ou moins fiables quand même maintenant sur Wikipédia aussi, mais c'est vrai que voilà, c'était un vrai kiff total. Et d'ailleurs c'est assez rigolo du coup que finalement Leonardo DiCaprio soit le voisin de Margot Robbie dans le film, parce que je trouve qu'en vieillissant, Leonardo DiCaprio ressemble de plus en plus à Nicholson en plus. Mais justement, en fait, c'est pour ça, c'est assez drôle. L'affiche, justement, il fait une tête de Nicholson sur l'affiche. Oui, c'est pour ça, le justement. Jeu de sourcils, c'est le même. Hein. Ouais, voilà, c'est donc, ça. Il s'est très bien limité, d'ailleurs. Ouais. Ils ont la même tête. Hein. Oui, quasiment. Franchement, ils se ressemblent beaucoup. Hein. Il y avait une période où DiCaprio avait pris du poids, je ne sais plus pour quel film, avait pris du poids, avait les cheveux longs, il était un peu plus négligé. Et on avait vraiment l'impression de voir Nicholson vieillissant, quoi. Et c'était flagrant, un petit peu moins, parce que là il y a des moments où il est tiré à quatre épingles dans le film, où il est plus naturel tel qu'il est tout le temps. Mais je trouve qu'en vieillissant, il y a vraiment des airs de ressemblance, et du coup c'est vrai que c'est assez rigolo de se dire que c'est lui qui campe ce rôle là en fait dans le film. Donc donc voilà, mais non, excellent film, et je pense que je l'achèterai d'ailleurs. J'ai vraiment adoré. On en reparlera après. Morgan, ton deuxième. Oui, mon numéro 2. Et la scène, si, avec Bruce Lee. Oui. Trop drôle. Voilà. Pardon. Vas-y, Morgane. Désolé, Morgane. Je vais t'arrêter de respirer. Mon numéro 2, c'est Us, de Jordan Peele. Pour les mêmes raisons que tu as citées, Axel. Ouais. Hein, donc, je vais pas développer. Oui. Enfin, je vais pas en dire plus. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je l'ai revu et je savais que. Justement, en le revoyant. Le revoyant, déjà il est beaucoup plus limpide. Ouais. Parce que moi, déjà quand je l'ai vu, j'avais décidé d'aller le voir en me contentant de l'affiche et du nom. Et juste, j'avais entendu parler que c'était un Home Invasion revisité par Jordan Peele. Donc, moi, dans l'idée, je m'étais dit, c'est une famille qui va passer des vacances et puis ils vont se faire attaquer par des individus qui vont vouloir rentrer chez eux. À aucun moment, le coup des doubles, on m'avait rien dit en fait. Puis finalement sur l'affiche Us, et du coup la surprise était telle que c'était assez particulier. J'avais adoré, mais j'avais pas tout compris non plus. J'étais obligé d'aller voir sur internet. J'ai pas eu la sensation d'être largué dans un truc. C'est évidemment, on va dire que le film m'avait, tiens, tu te dis c'est un peu bizarre, bon, j'ai pas trouvé que c'était si complexe que ça. Politiquement parlant, je me demandais qu'est-ce que le film voulait vraiment me raconter, pourquoi et tout. Et en fait, en le revoyant, tout est limpide. Même le gros twist de fin dans la dernière image, où on comprend que beaucoup ont trouvé évident, moi je l'ai pas vu venir, mais en fait il est tellement logique parce qu'il y a plein d'indices. En fait, dans la mesure où ça explique, par exemple, alors pour le coup, on va pas le spoiler, mais pourquoi elle est totalement paniquée, Lupita Nyong'o, quand son fils disparaît de la plage par rapport à ce qui lui est arrivé avant. Oui, non, c'est sûr. Ça fait c'est logique. Tout le reste a beaucoup de sens, mais ses réactions, par exemple, ou même ce que son double lui dit, on la sent tellement plus. Je sais pas, il y a des trucs qui sont plus limpides, et donc. Pour moi, la deuxième visionnage a non seulement aidé à la compréhension, mais a réélevé le film à un niveau tel que, il est deuxième et j'adore ce film. J'avais trouvé que c'était un grand film et là, en le revoyant une deuxième fois, je me dis, on est vraiment un presque chef-d'œuvre. Ça se joue à rien. Enfin, j'ai encore du mal à hiérarchiser tout ça, mais c'est un film qui m'a épaté, que je trouve effectivement, il y a une ambiance qui est authentique. Ça va au bout de son truc, ça va pas plaire à tout le monde. Et puis c'est une famille crédible. Aussi, ouais. C'est une famille crédible, effectivement. Alors que. Mais même la famille même Elisabeth Moss, hein, je veux dire, ils sont crédibles en fait, tous. Oui, ouais. Et du coup, ça m'a épaté. Et la fin, cette scène de fin avec cette danse, j'ai vécu ça comme un. Parce que j'ai revu la scène ce matin pour écouter la BO, qui est sublime. Et il y a quelqu'un, il a écrit en anglais, il a dit en fait, j'ai l'impression que en fait, c'est le boss final d'un jeu vidéo. Et c'est tellement ça, quoi. Ouais. C'est le boss ultime, c'est un affrontement avec cette scène de danse. C'est tellement éblouissant, c'est magnifique. Voilà, c'est du grand cinéma, très novateur, parce que Jordan Peele est un talent qui a émergé depuis Get Out, finalement. Ouais. Donc c'est tout nouveau, il est là depuis 2017, et j'ai hâte qu'il continue. Je veux qu'il continue à faire des films, je veux le revoir l'année prochaine. Bon, je pense qu'il ne reviendra pas tout de suite, mais voilà, ça fait partie de ces nouveaux noms-là qui sont très prometteurs et qui me rendent confiance sur le fait que le cinéma américain a encore des beaux jours devant lui, quand même. Très bien, je suis totalement d'accord. Moi je vais mettre mon deuxième. C'était pas facile parce que j'hésitais entre mon premier et mon deuxième. J'ai décidé de mettre du coup Parasite en deuxième. Parasite de Bong Joon-ho que j'ai adoré. Morgan a déjà touché quelques mots dessus en introduction. Mais c'est un film, justement, pareil, je voulais rien en savoir avant de le voir. De toute façon, il me suffisait de savoir que c'était réalisé par Bong Joon-ho pour me donner l'envie de le voir. Puisque Memories of Murder, ça fait partie de mes films préférés, je pense, clairement. Donc, Parasite, quoi en dire ? C'est compliqué. D'en parler sans spoiler, je trouve que c'est déjà quand tu parlais de Us, Eddie, tu disais une famille crédible, et là honnêtement, en tant que famille, j'ai rarement vu une famille justement qui paraisse aussi réelle et aussi réaliste, et on a l'impression que les enfants sont vraiment les enfants des deux parents. Il y a une subtilité dans le jeu de chacun qui fonctionne à merveille. C'est aussi c'est une sorte de home invasion, mais je veux pas, enfin c'est un peu dans ce style, mais c'est complètement complètement déboussolé, renversé par un twist qui arrive à 1h30 du film, qui dure 2h12, donc voilà, et qui renverse tout ce qui s'est passé avant, et on découvre, il y a plein de secrets à découvrir dans ce film. Je l'ai vu qu'une fois et j'ai vraiment envie de le revoir une deuxième fois pour voir les pistes qui amènent, parce qu'en fait moi je me suis vraiment pris dans la gueule le twist, et je pense que Bong Joon-ho est beaucoup plus malin que ça et qui nous fait des indices un peu tout le long du film. Donc j'ai vraiment envie de le revoir pour me faire un avis là-dessus. Mais en tout cas, voilà, le jeu des acteurs est sublime. Le scénario est vraiment, vraiment très bien écrit et très bien ficelé. C'est vraiment ce que le cinéma de coréen peut faire de mieux clairement. C'est pas le premier film coréen à être autant acclamé, mais là, clairement, à faire autant l'unanimité et aussi qui fonctionne en salle, même en France ou à l'étranger, c'est quand même quelque chose d'assez inédit. Puisqu'avant, ça, souvent les films coréens se contentaient d'une réussite beaucoup plus en vidéo qu'au cinéma. Et là, c'est vraiment le cas. Donc, moi, c'est pas encore mon film préféré de Bong Joon-ho. Je préfère encore Memories of Murder parce que je l'ai vu plus de fois. Mais ça peut clairement le devenir si je le vois un peu plus. Parce qu'il y a une sorte de. Et en même temps. Moi ce que j'adore dans ce film, c'est aussi la fin, qui peut être vue de deux manières différentes, et c'est souvent le cas dans les films de Bong Joon-ho et même de Park Chan-wook, qui sont un peu similaires sur ce point-là. C'est clairement, on peut voir le film de la fin d'une manière très optimiste, et en même temps on peut se dire que c'est extrêmement nihiliste et on a l'impression que personne s'en sort, quoi. Voilà, pour dire les choses de façon cryptique et pas trop dévoilée. Mais moi, je vous invite vraiment à le voir. C'est vraiment un film qui m'a retourné, qui m'a captivé pendant 2h12 et qui n'arrête pas de captiver, de captiver le spectateur et qui le lâche pas, quoi, clairement. Donc voilà, un très très grand film de cette année, Parasite, Bong Joon-ho, prouve encore une fois qu'il est un des meilleurs réalisateurs de cette génération, clairement. Voilà, je pourrais pas en dire plus. Et du coup, on va passer au numéro 1. Et du coup, bah, Eddie. Bah, je pense que vous n'avez pas de surprise. Bon, toi, Axel, moi, forcément, mais Morgan. Ouais. Tu ne saurais pas quoi, quel film il aurait mis. Eddie. Bah, quand même, Morgan. Il a adoré très récemment. Ah oui. Ben non, c'est pas Star Wars. Ah, non. Bah non. Ma merde, attendez. Un réalisateur ultra célèbre qui a commencé dans les années 70 et qui a... Alors là, je vais vraiment te laisser chercher, hein, parce que si tu trouves pas, Morgan... Attends, oui. Au départ, oui. J'ai dit, bon, je vais dire, mais non, Morgan, faut que tu trouves, attends, quand même. Momo, alors là, Momo... J'ai vu ce film. Je l'ai vu. Il a fait une polémique parce qu'il est pas sorti en salle. Ah, d'accord. Ah, The Irishman. Voilà. Ah ouais. J'ai dû trouver des indices simples. Ouais, hein. Ouais. Bah oui, là. En plus, je l'ai pas vu le film, donc j'éteins. Bah non, mais non, je pensais pas qu'il était si haut. Vraiment. Bah, il peut pas être plus haut, Morgan. Donc, voilà, et je n'ai pas d'ex-écho, sorti, du coup. Hein, donc non, voilà, il y aura pas Star Wars à côté. non, ça ferait un peu bizarre. Hein. Bien au contraire, j'ai envie de vous dire. Ouais. Ceux qui ont écouté le podcast sur Star Wars sauront. Voilà, c'est ça. Non, sauront, c'est pas Star Wars, c'est Seigneur des Anneaux, déjà. Ceux qui ont écouté le podcast sur Star Wars savent que Star Wars ne peut pas être premier. C'est ça. Ne peut même pas être dans ce top 10, d'ailleurs. Donc oui, The Irishman de Martin Scorsese, donc qui n'est pas un Marvel, hein, d'ailleurs, on le précise pas assez, je trouve, parce que c'est vrai qu'il y a Mann dedans, mais c'est pas un héros irlandais, voilà. Pourtant, oui. Scorsese a pourtant bien montré dans la presse qu'il avait un amour assez particulier pour les films éternel de super-héros, donc de super-héros. C'est assez surprenant d'ailleurs qu'il ne se soit pas encore attelé. Ou comment bien remuer le couteau dans la plaie. Non, mais ne parle pas d'horreur, s'il te plaît. Non, alors, plus sérieusement, donc oui. Alors moi, ça, c'est un film que j'attendais énormément. Voilà. C'est un euphémisme de le dire. C'est vraiment un film que j'attendais beaucoup, principalement parce que c'était un Scorsese qui revenait à ce qu'il faisait de mieux, en fait. Il y a plus de 20-30 ans. Et puis parce que c'est surtout qu'il réunissait son casting. Enfin, il réunissait un casting 5 étoiles. Là, je pense que on y est. Hein. Donc, avec Robert De Niro, Joe Pesci. Alors, une joie immense, moi, de revoir Joe Pesci. Al Pacino, qui, pour le coup, fait sa première collab avec Scorsese. Voilà, c'est Al Pacino, j'ai l'impression que c'est un peu l'acteur, on se dit mais c'est évident qu'il avait joué dans un Scorsese, mais non en fait. Il n'a jamais joué dans un Scorsese et bon, voilà. Donc bon, il fallait bien que ça arrive un jour et heureusement, ça arrive pour un film qui est vraiment exceptionnel. Moi j'ai vraiment adoré et honnêtement c'est l'argument un peu bateau qui pourrait dire il dit ça parce qu'il a adoré, mais j'ai pas vu passer les 3h30 parce que j'étais vraiment dedans et c'était tellement en fait savoureux tout le temps que je, ben non, moi c'était, enfin moi j'ai vraiment pas vu passer les 3h30, je maintiens quoi. J'ai été pris dans le film. J'ai été pris par ces personnages, par cette histoire. Alors évidemment, on est dans un film de gangsters, hein, on est dans une histoire de malfrats et tout ça. Mais c'est vrai que Scorsese a vraiment ce truc qui, moi, arrive à me captiver là-dessus. Alors que, je le rappelle, c'est un genre qui d'habitude ne me parle absolument pas. Enfin, ouais, tu n'aimes pas. Ah ouais, non, ça m'ennuie profondément. Le parrain, ça t'attire pas quoi. Du tout. Les films de par exemple Scarface ou L'Impasse, ça t'intéresse non, pas. Mais L'Impasse, alors que pourtant c'est des excellents films, j'ai je suis désolé vu, mais j'y arrive pas, c'est pas pour moi, donc oui, je comprends. Et il y a vraiment que Scorsese qui a le truc, mais je pense que ça tient vraiment dans le dialogue en fait, hein. Et là pour le coup j'ai trouvé que c'était vraiment au-delà d'un excellent film, je trouve que c'est vraiment un beau film. Parce que du coup, ça commence avec Robert De Niro, très âgé, il est en EHPAD, en maison de retraite, et il raconte en fait son histoire. Et du coup, à partir de là, c'est aussi Scorsese qui pose un regard du haut de ses presque 80 ans. Où il les a d'ailleurs, je ne sais plus. Non, il les a pas encore. Qui pose un regard aussi sur sa vie, sur son œuvre, parce qu'il a tellement d'amour de toute façon pour ces personnages-là que, enfin, moi j'ai eu du mal à le voir autrement. C'est très très personnel. Silence, c'était un film très personnel pour Scorsese en termes de spiritualité, mais The Irishman aussi. Et j'ai vraiment aimé en fait cette manière qu'il a de s'adresser à la fois aux gens qui peuvent être fans de son œuvre, mais aussi à des personnes qui vont découvrir le cinéma de Scorsese avec ce film-là. Et d'ailleurs, c'est le fait qu'il sorte sur Netflix, ça peut peut-être permettre aussi à certains qui ne connaîtraient pas Scorsese de découvrir via ce film-là, parce que ça cristallise tout ce qu'il a fait. Hein. On pourrait se dire, ouais, c'est un Scorsese en mode Maxi Best-of, quoi, mais non. C'est pas ça va au-delà de ça, c'est plus subtil que ça. Donc après il lui a été reproché certains trucs, notamment en termes de numérique, où on a rajeuni Robert De Niro, mais du coup il a toujours sa démarche de sexagénaire, d'octogénaire. Voilà, moi je suis passé outre ça en fait, parce que j'ai vu le personnage. Et au-delà de l'acteur, et ça confirme une fois de plus que ces acteurs sont exceptionnels, justement, parce qu'ils ont beau être vieux, et là ils jouent des personnages âgés, mais on voit les personnages tels qu'ils sont censés être aussi, et cela un peu à toutes les époques dans lesquelles ils sont dépeints dans le film. Et j'ai pas eu de mal à voir un Robert De Niro jeune, en fait, par moment. Donc pour moi, ça fonctionnait. Et du coup, oui, moi je trouve que c'est vraiment c'est beau quoi. Et ça m'a, c'est pas forcément émouvant, mais moi ça m'a ému parce que j'ai vraiment vu le regard d'un réalisateur qui a pris de l'âge et qui prend aussi le temps de se poser et de réfléchir à ce qu'il a engendré dans sa carrière. Et j'ai trouvé ça vraiment très très beau. C'est un film que je trouve passionnant. Voilà. Donc, The Irishman, premier de mon top 2019. Très bien. Du coup, Morgane. Mon numéro 1. Oui, mon numéro 1, c'est qu'est-ce qu'on a encore fait. C'est Parasite. Désolé. C'est Parasite. Voilà. C'est évident. Il n'y a pas trop de surprises non plus. Non, il n'y a pas trop de surprises, mais même pas que par rapport à moi. Hein. C'est vrai qu'en général, Parasite est beaucoup dans les tops. Avec Once Upon a Time, Parasite. Ça se touche, tout ça. Franchement, c'est des films qu'on retrouve. Bah, quoi dire de plus? En fait, j'en ai parlé longuement dans l'intro, pourquoi j'ai aimé ce film, donc je vais pas, je vais pas m'étendre. Comment j'ai vécu cette séance? Alors, petite anecdote. Ce film, comme je l'ai dit, je ne savais pas à quoi m'attendre. Hein, la bande-annonce... en fait, la façon dont le film nous est vendu, nous est présenté dans le trailer, c'est tellement différent de ce qu'on voit. Par exemple, un élément qui paraît important dans la bande-annonce, la toute fin, où on voit le père de famille riche dire un truc dans l'oreille de sa femme, on se rend compte que dans le film, c'est un truc totalement anecdotique qui n'a pas vraiment de... Voilà, c'est limite comique, quoi. Ouais. Et en fait, c'est ça que j'ai aimé. C'est toute cette ingéniosité de Bong Joon-ho. Ouais, totalement, et de ne pas savoir vers quoi on s'en va, et c'est un film qui est tellement complet, on passe d'une comédie vers le drame, on va un peu vers le cinéma, un mais peu c'est, d'horreur. C'est un peu le propre, quand même, je pense, du cinéma asiatique en général. Parce que c'est vrai que, je peux pas dire que j'ai une grande culture du cinéma asiatique, mais de tout ce que j'ai vu... De tout ce que j'ai vu, il y avait tout le temps des ruptures de ton comme ça. Mais à la différence de d'autres cultures qui font du cinéma, je trouve qu'eux, ils arrivent à gérer ça. Ouais. Je sais pas si c'est ce ressenti-là que vous avez. C'est des ruptures de ton. Mais c'est vrai que The Strangers. Ah, mais totalement. Dans The Strangers, c'est un flic raté presque. Et c'est ce qui rend, en fait. Bon, c'est ce qui rend le personnage attachant, mais c'est ce qui rend le film intéressant parce que c'est hyper sombre ce qui se passe dans le film. Et pourtant, c'est traité parfois presque de manière humoristique. Fin, c'est hyper noir, c'est hyper sombre et tout. Et c'est vrai que c'est quand même très particulier de mêler comme ça les genres. Oui, non, moi je suis complètement d'accord avec toi. Hein. C'est la même chose que ce soit dans Memories of Murder ou alors même Old Boy ou des, enfin voilà, ou des ouais, il y a, enfin c'est impropre. Un petit peu moins dans le film que pas tous les films, mais dans le film de comment il s'appelle avec Mia Wasikowska là et Nicole Kidman un peu moins dans celui-là quand même parce que mais je pense que c'est très américanisé aussi. Oui tout comme Snowpiercer finalement. Oui voilà c'est ça. Snowpiercer il y a des scènes drôles. C'est du guignol, c'est du burlesque. Attends mais t'as vu la tronche de Tilda Swinton dans Snowpiercer? Bah ils lui ont dit hein, fais vas-y va à l'oreille, mais à l'oreille tu lui dis ça de toute façon tu sais que Il y va, c'est une actrice qui a peur de rien. C'est pour ça qu'elle mais après dans ce que j'aime dans Parasite c'est que alors c'est j'ai toujours du mal à entendre cet argument là pour ceux qui ont vu le film mais en même temps je comprends ce qu'ils veulent dire quand ils disent on oublie que c'est un film coréen. Bah oui et alors oui mais oui mais de toute façon on devrait s'en foutre de la nationalité du film. Ouais. Bah, c'est ce qu'a dit Bong Joon-ho. Ouais, hein, il a dit quand vous voyez quand on il a c'était son discours au Golden Globes quand il a eu le Golden Globe du meilleur film étranger. Il a dit quand vous enlevez les sous-titres, bah, vous voyez, vous pouvez voir aussi des grands films, enfin des bons. Ah, oui, mais il a dit en fait, ça. Il a dit ça, ouais. Il l'a dit sur scène avec le prix dans les mains. Ouais. Donc, voilà. Et en cela, j'espère non, mais, parce que ouais, là où c'est raison. La victoire. Il est quand même nommé dans la catégorie aux Oscars meilleur film étranger, meilleur réalisateur et meilleur film tout court. Ouais. Donc là, la victoire pour moi, elle est là. S'il a l'Oscar du meilleur film, et je pense que malheureusement, ça va être 1917 ou même Joker, parce que 1917, malheureusement, mais ça dépend, Morgane, parce que les Oscars se sont montrés quand même parfois surprenants dernièrement. Oui, Green Book, c'est vrai que fallait. Que la cérémonie, la société changeant et tout ça peut parfois aussi se montrer surprenante dans sa manière de rendre des prix et. Et ça s'est quand même assez prouvé dernièrement. Je dis pas que tous les films forcément étaient très bons, mais il y avait des trucs attendus, genre The Revenant, tout ça. Même Gravity, hein, c'était assez attendu aussi. Mais à contrario, il y a eu des trucs qu'on pensait pas. Moi, je pensais pas que Moonlight, par exemple, l'aurait eu. Moi, je l'ai vu venir, Moonlight, direct. Ah ouais. En plus, quand on a annoncé La La Land, j'ai fait. C'est bizarre, mais non, je comprends pas leur délire. Moonlight, c'était un film pour eux. Enfin, en plus, il est arrivé au bon moment, Trump, tout ça. C'est bizarre. Et après, quand on nous a annoncé que c'était une erreur, j'ai fait là, c'est logique. La La Land, meilleur réal, je m'en doutais, je l'avais prédit. Ouais, c'était mérité. Et puis, hein. Oui. De quoi? La La Land, meilleur réal, c'était mérité. Ah oui, Damien mais Chazelle, la Land, excuse-moi, la mise en scène de ce film, Je voulais meilleur film, clairement. Après, là, cette année, il y a quand même ça va être quand même. ça va être assez serré. Mais quoi qu'il en soit, je suis quand même content que, au-delà de tout ça, c'est un film qui a marché, mmh. c'est un film qui a plu. Je veux oui. dire, la société de distribution, la Joker's Film, ils sont heureux, quoi. C'est-à-dire que 1 700 000 entrées en France, mmh. c'est quand même un des plus gros scores au box-office pour une Palme d'Or. Mmh. Enfin, je crois, pour moi, la dernière fois qu'une Palme d'Or avait été aussi populaire, c'est Pulp Fiction. Après, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est qu'au niveau des Oscars et au niveau du cinéma en général, le box-office, le box-office asiatique... le public asiatique commence à vraiment faire pencher la balance. Il y a beaucoup de films. La Chine surtout. Hein. Voilà, là, notamment en Chine. Il y a beaucoup de films qui, par exemple, se plantent aux États-Unis et par contre se rentabilisent complètement en Chine. Ouais. Et qui, du coup, deviennent des succès grâce. Ah, mais là, c'est un succès mondial. Oui, bien sûr. Mais on a des exemples comme ça de films qui se cassent la gueule sur leur terre d'origine, notamment aux États-Unis, où ça s'est vu. Hein, il y a des films qui ne fonctionnent pas aux États-Unis. D'ailleurs, ils comprennent pas trop pourquoi ça fonctionne pas aux États-Unis. Puis par contre, quand ça sort en Chine ou au Japon ou en Corée, bah alors là, ça cartonne. Et du coup, les films se rentabilisent comme ça. Et parfois, ça donne lieu à des suites ou à des ou ça permet à d'autres à des réalisateurs de s'exprimer sur d'autres trucs. Et je pense que aux Oscars, ils prennent ça aussi en compte parce qu'on va pas se leurrer. Hein, la plupart des films qui vont aux Oscars, en général, c'est ceux qui marchent bien hein, en termes d'argent, bien souvent quand même. Ah bah oui. Les Américains, on sait qu'ils récompensent souvent les trucs qui cartonnent. C'est vrai. J'ai rarement vu des films qui s'étaient plantés. Enfin, Kubrick a eu beaucoup de films qui se sont plantés. Il a jamais eu d'Oscar du meilleur film ou du meilleur réalisateur. Par exemple. En tout cas, pour Parasite, j'ai envie d'y croire quand même. Ce serait mérité parce que c'est pas que moi qui aime le film et tout, c'est vrai que le film plaît beaucoup quand je l'ai vu en salle, puis même dans ce que ça raconte, c'est un film qui parle de la lutte des classes, on en parle beaucoup aujourd'hui dans les médias, hein, entre le clivage entre les personnes aisées, les personnes moins aisées, et là, pourquoi j'ai aimé le film. Et là, je vais faire un petit parallèle avec Joker. Joker que je trouve un peu plus limite, voire dangereux, c'est un film profondément anarchiste qui dit, pour moi, c'est comme ça que je l'ai pris, et... à la différence de Bong Joon-ho, c'est que Todd Phillips se dédouane complètement d'avoir fait un film politique et n'assume même pas. Joker dit « Les riches, faut les tuer les pauvres, rebellez-vous. » Voilà. Alors que Bong Joon-ho, il dit pas ça. Bong Joon-ho, c'est un peu le propre de tous les vilains qu'on a pu voir dans un film de super-héros, hein, Morgan. Tu regardes la trilogie The Dark Knight de Nolan, Batman Begins, Falcone, c'est ça hein, aussi, hein. Le souci, c'est que là, en plus, on en fait une espèce de figure. Enfin, je veux dire, Joker, pour moi, c'est les gilets jaunes, le film, quoi. Les gilets jaunes, et Joker, on les iconise, quoi. Enfin, c'est ça qui me dérange. Mais c'est surtout que dans Parasite, il fait la même chose, c'est-à-dire qu'il va parler du clivage et il va pas tomber dans le côté les riches sont mauvais, les pauvres sont gentils. Là, il y en a pas un qui. Ils ont tous leur bon et leur mauvais côté. Finalement, à part leur train de vie qui sont différents, on se rend compte que. Il y a des salauds riches, dans les pauvres. Deux camps. Pas vraiment des salauds, mais il y a des gens qui ont des qualités, des défauts, et finalement, c'est juste une question... Enfin, on est pareil, c'est juste une histoire de confort de vie, en fait. Et c'est comment il met en scène son truc-là. Toutes les 20 minutes, le film change de rythme, change de genre. Et c'est surtout que... Alors, gros souvenir, c'est qu'à la fin, j'étais tellement KO, choqué par ce que j'avais vu admiratif, que j'en ai oublié mes clés sur le siège du cinéma... Et du coup, je suis reparti chez moi et je me suis dit merde, j'ai paumé mes clés. J'ai appelé mon cinéma d'RSC, ils m'ont dit oui, on a vos clés. J'en ai oublié mes clés sur mon siège. Après, je l'ai revu. J'ai amené mon copain avec moi qui, lui, pour le coup, n'est pas du tout cinéphile. Surtout quand je lui ai dit c'est un film sud-coréen, on va le voir en VO. Il m'a dit oh là là, dans quoi tu m'embarques ? Et il a adoré. Et je me suis rendu compte que c'est un film qui plaît, quoi. C'est un film qui est populaire. Et c'est ça qui me plaît dans ce film-là, c'est que on n'est pas dans un film élitiste, c'est pas un film d'auteur bobo chiant comme on peut penser quand on pense Festival de Cannes. C'est un film qui est accessible. Après, y en a qui vont peut-être le trouver surcoté par rapport, et je peux le comprendre, par rapport à tout le battage médiatique qu'il y a autour. Mais quel putain de film ! C'est le film qui m'a le plus surpris et j'ai beau chercher, je l'ai vu 3 fois, dont la 3e fois en Blu-ray. Ouais. D'ailleurs, j'ai... Ah oui, petite... Alors là, je suis pas en partenariat avec eux. Mais si vous voulez vous procurer Parasite dans l'édition ultime, donc il y a l'édition collector Steelbook qui arrive là le mois prochain, parce que l'édition Blu-ray normale est sortie en décembre. Mais le mois prochain, vous pourrez retrouver le Steelbook dans les commerces classiques, donc Amazon. Mais sur le site de Joker's Film, ils vont sortir une édition collector avec dans un boîtier absolument mais dingue. Donc il y aura le steelbook dedans, le storyboard du film, un documentaire de 2 heures sur la conception du film. Bon, il coûte 45 €. Honnêtement, c'est pas plus cher que le steelbook, c'est 10 € plus cher. C'est une édition limitée à 1500 exemplaires, donc dépêchez-vous de l'acheter. Franchement, Morgan, voilà. Qui fait le téléachat en plein milieu. Franchement, il faut l'acheter. Il est limité à 1500 exemplaires, donc il va partir sans problème. Tout le monde fait la pub sur les réseaux sociaux, donc je pense pas que ça se trouve. Quand le podcast sera publié, ce sera même plus possible de l'acheter. Donc Justement, vous aurez. C'est pour vous foutre le. Comme ça, vous aurez bien tous la haine. Non, mais voilà. Au-delà de cette parenthèse, là où le film est fort, c'est vraiment dans sa manière de raconter les choses. Et je me dis, il est encore possible aujourd'hui d'être surpris au cinéma. Alors qu'on a l'impression d'avoir tout vu, d'avoir tout entendu, de voir que des films qui racontent toujours un peu la même chose. Là, effectivement, Bong Joon-ho, il fait ce qu'il a toujours fait. Il parle de la lutte des classes, effectivement. Dans tous ses films, ça parle de ça. Tous. Notamment dans Snowpiercer. Snowpiercer et Parasite se rejoignent. Dans Parasite, c'est ceux qui sont en bas qui vont aller vers le haut. Dans Snowpiercer, c'est ceux qui sont au bout qui vont aller vers l'avant. Il y a une vraie similitude. Et en cela, c'est un cinéaste qui est cohérent dans ce qu'il raconte, mais toujours à travers des histoires qui sont différentes, qui sont surprenantes. Et c'est un bonheur de cinéma. J'ai beau l'avoir vu 3 fois, il n'y a pas un bout de gras. Je ne vois pas un défaut dans ce film. J'aime pas dire c'est un film parfait. Je ne vois rien de reprochable, ni de moins bien, ni de un point sur lequel je pourrais tiquer jusqu'à la fin. J'ai failli, en voyant le film la première fois, en voyant la fin, en me disant « Ah merde, ça finit comme ça. Oh putain, ouais, là, non. Ouais, » Et puis en fait, non, il y a un truc à la fin qui fait que « Eh ben non, finalement, t'as cru que… » un peu comme à couteau tiré. Ouais. « Eh ben non. » Et en cela, je me suis dit, bon, voilà, là on est face à. Voilà, c'est un film qui est cohérent, qui est construit de bout en bout. Et puis même au niveau de la maison, parce qu'il est question d'une maison, là, travaille sur l'architecture. Et on sait que Bong Joon-ho a, dans la manière qu'il avait de concevoir en termes d'architecture la maison, le décor du film, c'est un travail de taré, quoi. Et là où le film m'a cueilli, c'est que tout est tellement bien présenté. Que moi-même, même sans être dans cette maison-là, je la connaissais, cette maison. Ouais, je sais clair. Quelle pièce, je sais où se trouve la cuisine, je sais où se trouve. Et c'est ponctué de scènes comiques, des scènes de tension, il y a une scène, et même des scènes d'émotion. Et là où j'ai encore plus de réserve sur Joker, qui je trouve caricature carrément les riches et les pauvres, en fait, qu'est-ce qui différencie les riches et les pauvres dans Parasite ? C'est subtilement une odeur. L'histoire de la scène de l'odeur où l'acteur Tsong Kang-ho, qui est génial quand il apprend que son patron dit de lui qu'il sent mauvais, on le sent totalement détruit, totalement blessé. Et finalement, il a capté. C'est honteux, mais c'est subtil dans la manière qu'il a de parler des préjugés que peuvent avoir les riches sur les pauvres, et vice-versa d'ailleurs. Et c'est tout ce discours-là qui m'a plu. À travers une histoire qui est accessible, qui est stupéfiante, qui est drôle. Enfin, c'est pour moi le chef-d'œuvre, un des chefs-d'œuvre de la décennie et de loin. Franchement, pour moi, il est pas loin derrière Gravity. Hein. C'est mon film préféré de Bong Joon-ho, mais à l'aise. Devant Memories. Ah oui. Ouais, d'accord. Ok. Carrément. Non, mais moi, il faut que je le revoie parce que j'ai plein d'images qui me trottent en tête encore et qui m'ont marqué à fond et je sais qu'il faut que je le revoie absolument. Voilà. Donc c'est un super film et ouais s'il faut en retenir quasiment qu'un ce serait celui-là quoi. C'est pour ça en fait moi du coup je passe à mon premier et c'est pour ça que j'ai hésité avec Parasite parce que voilà mais j'ai quand même eu Je pense savoir ce que tu vas mettre, toi, en fait. T'en as pas parlé, mais je crois que c'est ça. T'en as pas parlé encore. C'est ça. Tu vas mettre ça. Ça commence par un O. Voilà. C'était ma première attente de 2019. Ah oui l'année dernière. Donc, c'est Once Upon a Time in Hollywood. On est vraiment fait pour faire des podcasts ensemble, nous, quand même. Bah oui. Bah moi, vous allez me dire. Toi, ta place, là, elle commence à. Mais non. Voilà. Mais non. On est dans le discours Joker. Voilà. Non, mais. Je démarque par ma culture et. Oh, regarde-le, la faire son calimero, pauvre petit chat. Non, non, mais du coup, Quentin Tarantino, hein, c'est clairement. C'est plus un secret pour personne, hein, c'est un de mes réalisateurs préférés. Là, il a sorti un film que je trouve vraiment très très bon, vraiment exceptionnel. J'en ai déjà énormément parlé dans le podcast Bilan de l'été. Je l'ai vu deux fois, c'est pour ça que j'ai hésité avec Parasite, que j'ai vu qu'une fois. Là au moins je suis un peu plus sûr de mon avis sur Once Upon a Time, donc c'est un film que j'ai énormément apprécié, que dont j'ai pas vu passer les 2h40 du film. Je trouve ah bon. Oui, je sais que il y a beaucoup de Il y a beaucoup de personnes et dont toi Morgane qui ont du mal avec le rythme du film. Je comprends totalement, en fait, parce que la première fois que je l'ai vu, j'étais un peu sceptique sur certains passages où c'était un peu, je trouvais aussi un peu plus long à certains moments, mais après je me disais bon, c'est pas grave, le reste du film je le trouve très très bon, donc voilà. Je pense principalement à toute la scène où on tourne un téléfilm, quoi, le téléfilm au western où Leonardo DiCaprio se trompe à un moment, etc., ils doivent refaire la scène. Je peux comprendre pourquoi ça peut paraître long pour pas mal de monde. Moi personnellement, du coup, en le revoyant une deuxième fois et en sachant qu'il y allait y avoir cette scène, c'est passé beaucoup mieux, beaucoup plus facilement la deuxième fois. Et du coup, ça m'a confirmé vraiment que c'était un très très grand film que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Cette fin, voilà, elle est juste jubilatoire. Elle est complètement décomplexée. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, leur relation entre Rick Dalton du coup et Cliff Booth sont vraiment, je trouve, fusionnelles, et ils fonctionnent très très bien ensemble. Le montage du film, le fait qu'il raconte vraiment pendant une grosse partie du film une journée entière du point de vue de plusieurs personnages, je trouve ça vraiment très très bien mis en scène et très bien fait. Et puis il y a aussi les scènes, il y a énormément de scènes marquantes comme d'habitude chez Tarantino. Par exemple la scène de tension quand Cliff arrive dans le ranch abandonné des hippies, du coup toute cette scène est vraiment mise en scène de manière fabuleuse, et la tension est vraiment à couper au couteau. Moi je retiens plein de scènes de films, plein de dialogues. Les personnages sont vraiment marquants et ont vraiment une personnalité qui sort de l'écran, et on se souvient de ces personnages. Comme souvent chez Tarantino, hein, c'est vraiment il arrive à écrire des personnages qui nous restent en tête. Moi je suis qu'admiratif devant ce film, que je trouve très très très bon. C'est peut-être pas mon. Alors il y a beaucoup de monde qui annonce que c'est le Tarantino somme, toute sa filmographie a mené à ce film qui est le plus parfait de toute sa filmographie. Je suis pas encore totalement d'accord. Y a des films de Tarantino que je préfère. Alors c'est plus subjectif, du coup. Je préfère par exemple Kill Bill ou même Hateful. Ah bah heureusement. Oui, parce que c'est clairement un de mes films préférés. Je préfère Kill Bill ou Hateful Eight par exemple. Je préfère The Hateful Eight largement. Ouais. Hateful Eight, c'est parce que c'est un film un peu d'enquête, un peu de mystère, un peu comme à couteau tiré. Euh, qui et du coup, ça me parle plus personnellement. Mais le fait que Tarantino parle de cinéma comme ça, avec autant d'amour, et puis qui venge clairement l'histoire sordide, la véritable histoire sordide, de cette manière aussi, enfin, aussi décomplexée, aussi, c'est quasiment burlesque, quoi, et ça fonctionne très bien. Voilà, et puis il y a des grands moments, enfin, j'ai aussi beaucoup ri devant ce film. Donc voilà, moi c'est mon film préféré de cette année, clairement un très grand film de Quentin Tarantino. Qui voilà. Et ben du coup, on a fini enfin sur ces tops. Ouais. Punaise. 2h35 du coup d'enregistrement à peu près. 2h35. Voilà. Donc ben on va déjà vous remercier d'avoir écouté cette première partie du podcast et on vous retrouve très prochainement. Pour la deuxième partie où on aura nos flops, nos surprises, nos déceptions, la BO de l'année et on finira avec nos attentes pour l'année 2020. Du coup, on vous dit à la prochaine. Ciao. Au revoir. Salut.